Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gameozo 107. C'est Chris et Laura et nous vous souhaitons la bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Catch, une émission un peu particulière je pense que nous pouvons le dire car pour la première fois nous avons un invité slash co-animateur, j'ai envie de dire, autour de la table avec nous. Il s'agit de Jérôme ou Draven, animateur de La Salade, entre autres sur nos ondes et qui est aussi podcasteur sur Spotify et qui est déjà intervenu à plusieurs reprises chez nous. Donc déjà bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Ah bah moi ça va très très bien, je vais avoir l'occasion de parler catch avec vous, ça fait des années que j'ai pas parlé catch avec quelqu'un, donc franchement ça va être top. On est là pour ça, donc, mais du coup pour cette émission, Jérôme ou Draven, qu'est-ce que tu préfères ? Ah bah Draven, ah bah oui c'est mon nom de ring. Alors ça va être Draven et toi ça va être Lolo. Oh quelle horreur, cri-cri. Non, je crois pas, non. Donc, pour cette émission un peu particulière, nous allons faire un petit saut dans le passé en parlant, entre autres, de l'attitude des rats, période s'étant déroulée de 1997 à 2001, si nos renseignements sont bons. Donc, du coup, c'est toi qui commences, Laura, vas-y, explique-nous, qu'est-ce que l'attitude des rats ? Alors, cette période a été marquée par un bouleversement des codes de l'époque, ajoutant violence à allusion sexuelle. Il y avait des matchs assez particuliers, hein, comme par exemple les matchs des filles où celles qui étaient en soutien-gorge et en culotte avaient perdu. Chose qu'on ne verra plus maintenant. Mm-hmm. C'était très très porté sur le sexe. C'est vrai. Surtout avec Vince McMahon au pouvoir, avec Trish Stratus, ta chouchoute. Ouais, n'est-ce pas? Donc l'attitude des rats a connu un grand succès aux États-Unis, en France et au Proche-Orient. Durant cette période, de grandes superstars et de grandes équipes ont pu être mises en avant, comme la DX. T'attends ce que je le dise en anglais. Allez. D-Generation X. On va dire ça. Composé de Shaina, Shawn Michaels, Triple H et... Triple H. Et hop, dans le bêtisier. Shawn Michaels, Triple H et au tout début, Rick Rude et ensuite les New Age Outlaws. Merci pour tout cet anglais, Chris. Avec plaisir. Ils les ont rejoints par la suite. Donc, ils étaient composés de Billy Gunn, qui s'appelait Mr. Ass. Il portait un petit slip avec des petits cœurs dessus, puisque se secouait les fesses. Monsieur Q. Ouais, des fois, vaut mieux pas traduire. Bon. Il y avait aussi Road Dogg et X-Pac. Donc, ça. Chaque membre avait un rôle. Hein. Shaina, par exemple, était la garde du corps à la fin des années 90. Les matchs TLC avec les Hardy Boys, Edge et Christian et les Dudley Boys, au niveau de quelques-unes des plus grandes rivalités de l'Attitude Era, nous pouvons citer la célèbre rixe entre Stone Cold, Steve Austin et The Rock. Stone Cold était un catcheur plutôt dominant, hein. C'était le genre de catcheur qui avait une personnalité plutôt prononcée, on peut l'appeler comme un bad boy finalement. Complet. Lors de cette rivalité, les spectateurs ont eu le droit à de nombreux face-à-face entre les deux j'ai du mal aujourd'hui. Les spectateurs ont le droit à de nombreux face-à-face entre les deux protagonistes. Durant cette rivalité, Vince McMahon, alors président de la fédération, voilà, on va pas s'étendre dessus, actuellement, non, c'est compliqué. Il a ordonné à Debra, la femme de Stone Cold Steve Austin, de devenir le manager de The Rock, et ce contre son gré. D'ailleurs, ça a fait quelques bonnes rivalités par la suite. Ah bah, c'était une grande rivalité entre The Rock et Steve Austin, et on peut également mentionner le fait que Steve Austin était un grand consommateur de bière également. Ah, totalement. Totalement. Il était même connu pour ça. Et je trouve ça génial, d'ailleurs, moi, à l'époque. Hein, il arrivait avec des packs de bière. Il en claquait deux ensemble. Ouais. Il se les vidait dans la bouche. Il les jetait dans le public. C'était fantastique. Et c'est un bon résumé. De toute façon, oui, Steve Austin est l'un des plus grands personnages de cette attitude era. Et c'est vrai que presque à lui seul, il montre à quel point ça a été un changement total pour le catch à cette époque, qui passait comme ça un peu du catch à papa, on pourrait dire, qui d'ailleurs était en perte de popularité, hein, plus ou moins sur la fin des années 90. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous raconter un tout petit peu ce qui a déclenché cette attitude era, parce que il y a des questions économiques finalement là derrière qui ont amené à ces décisions, des questions de concurrence, parce que là on parle de la WWF à l'époque, qui était la plus grande fédération, la plus connue largement dans le monde entier, mais ils avaient de la concurrence, ils en ont toujours d'ailleurs, hein. Mais ils avaient notamment une fédération concurrente qui s'appelait la WCW, la World Championship Wrestling. Merci, qui était donc diffusée sur TNT, sur une chaîne concurrente, et qui récupérait régulièrement des anciennes stars de la WWF, notamment Hulk Hogan, qui était arrivé à peu près au milieu des années 90, Et c'était une stratégie assez commune finalement. Voilà, tous ceux qui partaient de la WWF allaient ensuite à la WCW. Et bon, ça existait, ça faisait quelques années que cette concurrence existait. Elle n'était pas menaçante pour la WWF à l'époque. Sauf que à un moment, à la tête de la WCW, eh bien, il y a un certain Eric Bischoff qui a commencé à prendre des décisions de storyline, de scénario, qui étaient de plus en plus choquantes et surprenantes, et surtout qui attaquaient frontalement la WWF, notamment la décision de mettre une émission le lundi soir. Il faut savoir que le lundi soir, c'est le créneau de Monday Night Raw, hein, l'émission phare de la WWF déjà à l'époque. Et en face, eh bien, la WCW met en place une émission qui s'appelle Night Raw. Alors quand on le dit en français, on s'en rend pas compte du jeu de mots parce que c'est juste WCW Nitro. Mais en fait, Night Raw, ça se dit exactement de la même façon que Monday Night Raw. En fait, c'est quasiment le même titre. Il commence à les attaquer frontalement là-dessus. Et puis, il réfléchit à des storylines, notamment en faisant revenir deux anciens de la WWF, à savoir Diesel et Razor Ramon, sous leur vrai nom, donc Kevin Nash et Scott Hall, merci. Et il les présente dans la storyline comme étant des transfuges de la WWF qui viennent un petit peu mettre le bazar à la WCW. Et je crois que tout ça c'est en 96, et ils disent qu'ils ont un troisième membre secret, voilà, sachant qu'à cette époque-là Hulk Hogan est déjà depuis longtemps à la WCW, et puis il va y avoir un match très célèbre où Hulk Hogan, qui est historiquement a toujours été un babyface, toujours été un gentil, un favori des fans, eh bien il va se transformer en heel, va devenir un méchant, et ça va être l'un des moments les plus choquants de l'histoire du catch, où il va donc du coup former la NWO avec Scott Hall et Kevin Nash. Et à partir de là, les audiences de la concurrence vont commencer à grimper tout doucement. Et va commencer ce qu'on va appeler la Monday Night War, donc la guerre du lundi soir entre Raw et Nitro, avec Eric Bischoff, donc qui se rend compte que sa stratégie paye de faire comme ça des choses choquantes, un petit peu surprenantes et choquantes, et surtout le côté bad boy hein, dont tu parlais à l'instant. Et d'un autre côté, plus ou moins, enfin quelques temps après ça, donc les audiences de la WCW augmentent de plus en plus, au point de devancer celles de la WWF. Et il va se passer aussi en parallèle de ça le fameux Montreal Screwjob, où Bret Hart, qui devait quitter la WWF pour rejoindre la WCW, refusait d'abandonner sa ceinture. Hein, il voulait partir en étant champion, ce que Vince McMahon, le président, pour lui, c'était pas possible. En plus, avant ça, il y avait déjà eu d'autres cas de superstars de la WWF qui étaient partis et qui s'étaient montrés à la WCW avec leur ceinture et qui les avaient jetés à la poubelle. Et Vince McMahon avait juré que ça n'arriverait plus jamais. Et donc voilà, il y a ce fameux match contre Shawn Michaels où Shawn Michaels attrape à la fin Bret Hart dans la prise de soumission, le sharpshooter, qui est la prise de Bret Hart. Et on ne voit pas Bret Hart abandonner. Et pourtant, l'arbitre fait sonner la cloche et Shawn Michaels gagne la ceinture. Et on voit que Bret Hart, il dit rien, mais on voit qu'il est furieux et il regarde Vince McMahon qui ne sortait quasiment jamais de son bureau à cette époque-là. Il regarde Vince McMahon, il lui crache dessus devant toutes les caméras et on a très vite su que en fait voilà, ça a été une décision prise contre Bret Hart il avait pas vraiment abandonné lors de ce combat. Bref, tout ça pour dire que à partir de là, Vince McMahon se dit il y a un truc à faire parce que là les gens commencent à le détester. Alors que lui ne sortait jamais de son bureau, et il se dit, il y a un truc à faire entre, je vais m'inspirer de l'attitude bad boy de la NWO à la WCW, parce que ça a l'air de marcher, et je vais construire, donc, et cette attitude, il va la transférer sur Stone Cold Steve Austin, hein, qui va être effectivement un peu l'une des plus grandes stars de cette période, et il va faire de lui-même une figure publique aussi, il va faire de Steve Austin son rival. Et Steve Austin, qui était plutôt un heel, plutôt un méchant, va devenir le favori des fans parce que il s'en prend à Vince McMahon en permanence. Et du coup, à partir de là, les deux émissions vont se mener une guerre chaque semaine pour à chaque fois savoir lequel ira plus loin dans la sale attitude, dans le contenu sexy, dans les gros mots, parce qu'il y a eu une explosion des gros mots à cette époque-là. Et c'est assez ouf, fou, hein, quand on regarde aujourd'hui les vidéos de cette époque-là sur la chaîne YouTube officielle de la WWE, il y a tous les gros mots sont censurés, les passages les plus violents sont censurés, alors qu'à l'époque, rien n'était censuré. Donc voilà comment démarre, en gros, l'attitude era. En fait, c'était une histoire de rivalité économique entre ces deux émissions, et ça a donné ce que tout le monde considère comme la meilleure période de la WWE. Mm-hmm. Et donc, quand Hulk Hogan il a rejoint les New Age Outlaws, c'est par là qu'il est devenu Hollywood Hogan, du coup ? Si, si, c'est vrai que c'est là qu'il a changé effectivement sa personnalité en Hollywood Hulk Hogan, donc le Hulk Hogan méchant, le Hulk Hogan heel, qui était une grande nouveauté et qui était un choc, parce que Hulk Hogan était l'un des rares catcheurs à cette époque-là à être sorti, on va dire, du monde du catch et à être devenu une superstar auprès du grand public, notamment grâce au film Rocky. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de Rocky 3, parce que à l'époque de Rocky 3, Hulk Hogan, donc à cette époque-là, était encore signé à la WWF et il avait demandé à Vince McMahon d'aller tourner dans le film Rocky. Et Vince McMahon lui avait dit non, tu vas pas faire ces conneries de film, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait nous, tu restes ici et tu vas pas faire ça, ça sert à rien, voilà. Et Hulk Hogan a désobéi à Vince McMahon, il a fait le film et il s'est fait virer, du coup, hein, parce qu'il n'a pas pu le faire sans que les autres le sachent, évidemment, donc il s'est fait virer de la WWF, sauf que le film Rocky III rencontre un succès colossal cette année-là, quand il sort, et devient l'un des plus grands films, et Hulk Hogan devient la plus grande superstar auprès du grand public, du coup, il a très vite été réembauché à la WWF. Ce qui fait qu'il était, voilà, une immense superstar des années 80-90, il avait même ses propres films et tout, et effectivement, après, quand il est à la WCW et qu'il change de côté, et qu'il devient heel, ça a été un choc mondial. Et effectivement, c'est ça aussi qui a aidé à faire décoller ses audiences, quoi. Bien sûr. Donc à cette époque de l'attitude era, on peut aussi parler d'une autre grande rivalité, celle qui a eu lieu entre The Undertaker et Kane, The Undertaker que je crois que tu aimes beaucoup. Oui, oh là là, vous avez pas idée à quel point je suis fan de l'Undertaker. Je m'étais même remis au catch au début des années 2000 par le biais de l'Undertaker, en fait. À partir de WrestleMania 20, quand il était revenu, il avait fait son retour avec... enfin bref, après des storylines justement avec Kane. Mais oui, Kane fait son apparition en tout cas pendant l'Attitude Era, et c'était fascinant comme histoire, parce que l'Undertaker était déjà un vétéran, si on peut dire, à cette époque-là. Ça faisait un moment qu'il était là, il était très connu. Moi, quand j'ai connu le catch au milieu des années 90, il était déjà là, c'était déjà une superstar. Mais l'Attitude Era a marqué évidemment l'explosion de plusieurs nouveaux personnages, l'Undertaker, lui, effectivement, fait partie des rares qui étaient déjà là avant et qui ont encore plus explosé avec l'Attitude Era. Et ce qui s'est passé, c'est que après qu'il soit devenu champion suite à WrestleMania 13, je crois en 97, il y a son ancien manager Paul Bearer. Alors Paul Bearer, c'était le petit bonhomme qui portait son urne, qui contenait ses cendres, qui le suivait partout. Ça, c'était fascinant. Moi, c'était ça que j'avais connu quasiment en premier, hein, dans les années 90. C'était le soi-disant le pouvoir de l'Undertaker qui résidait dans cette urne. Et bien à cette époque-là, en tout cas, on est en 97. Paul Bearer se retourne contre l'Undertaker et il lui dit attention, je connais ton secret, parce que vraiment ils sont devenus ennemis. Et en fait Paul Bearer donne des conseils aux rivaux de l'Undertaker à cette époque-là, et il force l'Undertaker à un moment à le reprendre comme manager en lui disant attention, si tu me reprends pas comme manager, je vais révéler ton secret. Et l'Undertaker à ce moment-là le reprend comme manager, mais Paul Bearer fait un peu n'importe quoi, il le vire assez rapidement, et puis Paul Bearer finit par avouer la vérité, la soi-disant vérité bien sûr, et il dit voilà, en fait je sais très bien que autrefois tu as mis le feu à ta maison et que dans cet incendie tu as tué tes parents et ton frère. Et là, enfin, c'était une révélation incroyable. Comment ça, l'Undertaker a un frère et tout? Et puis Paul Bearer a a continué de raconter cette histoire. Ça a duré plusieurs mois, ils ont vraiment bien construit le truc, et puis ça a trouvé son point culminant au tout premier Hell in a Cell en 1997. Donc c'est pas un match en cage classique, hein. Là c'est une cage qui est beaucoup plus haute et de laquelle on n'est pas censé sortir, alors qu'un match en cage normal, il faut en sortir pour gagner le match. Là on n'est pas censé en sortir, et généralement ce sont des matchs un peu plus violents. Mais voilà, le tout premier Hell in a Cell de 1997, qui est, je crois, entre l'Undertaker et Shawn Michaels, justement, j'espère que je dis pas de bêtises, en tout cas il est interrompu par Paul Bearer, qui fait son retour avec un personnage mystérieux, effectivement masqué, avec cette combinaison rouge et noire, et très associée au feu, hein, parce que dès que Kane apparaissait, ça balançait des flammes sur les côtés des rings et tout ça. Donc ils avaient vraiment super bien travaillé ça, et même l'Undertaker avait l'air effrayé dans le ring, ce qui est impossible, ce qui n'arrive jamais. Enfin, si on connaît le personnage de l'Undertaker, c'était super bien vendu quelque part. Et puis je crois qu'il lui faisait un choke slam ou je sais plus quelle prise, et l'Undertaker restait couché par terre, et tout le monde était choqué et disait ça y est, on a enfin vu le frère de l'Undertaker. Faut savoir que l'Undertaker fait partie des plus grands catcheurs de l'histoire de la WWF, hein, avec quasiment 2m20, et là quand on voyait Kane en face de lui, il y avait un mec qui avait la même taille, la même hauteur, la même corpulence, les mêmes cheveux longs, mais juste avec un masque, et on en était presque au point de s'imaginer, mais qu'est-ce qui se passe en fait, il aurait eu un frère jumeau, c'est incroyable et tout, qui revient, qui est aussi fort que lui, voire peut-être même plus fort, et qui a été caché jusque-là. Enfin, c'était une storyline incroyable qui après a beaucoup évolué sur les années. Ils ont eu une rivalité qui a été géniale pendant des années, mais après ils ont aussi fait équipe. Ont été une des meilleures équipes avec les Brothers of Destruction. Il y a eu des fameux matchs aussi où il y avait tout un suspense sur le fait qu'on allait démasquer Kane, et on a fini par le démasquer. Et après il a eu toute une carrière où il combattait sans masque, et il y a de nouveau des rivalités avec l'Undertaker, puis de nouveau des reformations des Brothers of Destruction. Enfin, ça reste moi mes personnages favoris, parce qu'il y a toute une aura un peu mystique derrière leur histoire. C'était pas juste des storylines qui se déroulaient, on va dire, dans le ring. Il y avait toute une mythologie derrière, avec leur passé, leur enfance et tout. Ils avaient inventé tout un tas de trucs. Donc là, voilà, parmi mes préférés. En sachant, comme tu l'as dit, que en 97, Undertaker a remporté le titre de la WWF, c'était à WrestleMania 13, face à Psycho Sid. Ouais. À l'époque. Ouais, tout à fait. Du coup, il y a eu aussi une grande rivalité, hein, celle de l'Undertaker contre Mankind, avec un moment dont on se souvient tous et même si on regardait pas le catch à ce moment-là, je crois qu'elle est sur la chaîne officielle YouTube de la WWE. Ouais, tu peux trouver facilement le spot là. Voilà, un énorme spot, hein, qui a marqué toute une génération dans le catch, à savoir quand l'Undertaker a balancé Mankind du haut de la cage qui atterrit sur la table des commentateurs, une chute d'environ 5 mètres, je crois. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose là-dessus ? Bien sûr, je crois que ça reste mon match préféré de tous les temps. Ouais. C'est probablement celui que j'ai vu et revu le plus de fois, et que j'ai recréé dans les jeux vidéo, peut-être on en reparlera après, mais c'est un moment incroyable. C'est un moment incroyable parce que, comme je le disais, le Hell in a Cell, c'est une cage qui est beaucoup plus haute que la cage de base, hein, qui existait jusque-là. Et donc là, on a un match qui commence, qui se déroule directement au-dessus de la cage, c'est-à-dire que on a Mankind qui était une des personnalités de Mick Foley, mais sa personnalité complètement hardcore, la plus destructrice, la plus folle, celle qui venait de la ECW, habituée des matchs extrêmes, masqué bizarrement aussi, avec un masque très étrange, voilà, et donc le match commence très rapidement en haut de la cage, et donc comme tu dis, ils sont à plus de 5 mètres de hauteur, c'est super haut. Alors pour les fans, c'est génial, je veux dire, c'est incroyable, parce que là on pouvait les voir encore mieux que quand ils étaient dans le ring. Et puis ils se battent, et ils s'approchent tout doucement du bord de la cage, et là il se passe l'un des trucs les plus choquants de toute l'histoire de la fédération. Effectivement, il y a l'Undertaker qui choke slam, donc il le prend à la gorge, qui le soulève et qui le jette beaucoup plus bas, tout en bas, sur la table des commentateurs. Et honnêtement, c'est un moment mais tellement incroyable. Je l'ai vu des dizaines de fois, et à chaque fois que je le vois, je me dis mais ils sont cinglés d'avoir fait un truc pareil. J'ai du mal à croire qu'ils aient même pu valider un truc pareil dans les coulisses de la WWF à l'époque. Tellement c'est dangereux de tomber d'une hauteur pareille. Il y a un moment. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'Undertaker ne sort pas de son personnage. Il reste en haut, totalement immobile. Il regarde vers le bas, mais pour avoir lu des interviews, des choses comme ça, il y a quand même, enfin, moi je sens que il est en train de se demander s'il l'a pas tué, quoi. Tellement il le balance de haut, parce que oui, et on sait très bien que tout ça est préparé, entraîné, que les tables des commentateurs sont faites pour s'effondrer justement, pour absorber le choc et des choses comme ça, mais là il le balance d'une telle hauteur qu'il suffit qu'il soit juste mal positionné pour qu'il se brise le cou, ou pour qu'il se brise la colonne vertébrale, ou je ne sais quoi d'autre. Donc c'est un moment incroyable où on se dit, on a l'impression que le match est fini, et c'est ça qui est légendaire dans ce match, c'est qu'il est très loin d'être fini. C'est à peine le début, en fait, parce qu'ils viennent le chercher, ils viennent chercher Mankind sur un brancard, ils l'évacuent, mais le mec il se relève et il y retourne, et il retourne au-dessus de la cage, continue à se battre contre l'Undertaker, et il se met des coups et tout, et là, deuxième truc complètement dingue dont j'ai quasiment jamais revu d'équivalent, là cette fois ils se mettent au centre de la cage, et il y a l'Undertaker qui refait un chokeslam à Mankind, mais cette fois au centre de la cage, et il passe à travers la cage et il s'écrase dans le ring plus bas. C'est la deuxième fois qu'il tombe dans la cage. Et tu te dis, mais c'est pas possible, il va pas se relever de ça. C'est pas possible, en fait. Et l'Undertaker descend, et le match, ok, est plus ou moins interrompu pendant quelques instants quand même, mais ça continue. C'est pour ça que ce match est légendaire, c'est qu'il va se relever, et le match dure encore super longtemps après ça. C'est-à-dire que les ressources de Mankind dans ce match sont complètement dingues, et en plus ça tourne au match hardcore, parce qu'ils vont sortir des chaises, ils vont sortir toutes sortes d'objets. On a toute la fin du match, on a le visage de l'Undertaker qui est complètement plein de sang, et puis il y a ce passage complètement fou où Mankind balance des punaises sur le ring, et il couvre vraiment toute une partie du ring de punaise, il essaie de balancer l'Undertaker dedans, il n'y arrive jamais, et c'est l'Undertaker qui finit par le balancer dedans plusieurs fois, et mais c'est incroyable, quoi, que enfin, ce match, il est, on va pour moi aux limites de l'endurance humaine, en fait, dans ce match, quoi, et de ce que Mick Foley était prêt à accepter pour se mettre en danger. Bref, voilà, ce match il est complètement hallucinant, il est légendaire, il reste pour moi historique, et je crois que les gens qui disent bah le catch c'est des bêtises, c'est pas, il faut leur montrer ce match là que c'est pas truqué, et en fait peut-être le résultat était connu à l'avance, oui, mais on s'en fout, ça fait partie du catch, mais ce que les mecs endurent, ce que Mankind endure dans ce match est complètement hallucinant, et pour moi légendaire. Bah c'est ça, et puis Mick Foley, donc Mankind, qui a eu plusieurs, comme tu l'as dit, plusieurs personnages, Jude Love, Cactus Jack, Mick Foley tout seul et tout ça, il aimait beaucoup, je pense qu'à un moment il aimait ça, mettre en danger sa santé, complètement, sa santé mentale, si bien qu'à un moment il a eu une oreille arrachée parce qu'il est passé au-dessus des cordes, sauf qu'il s'est emmêlé dedans. Ça me dit quelque chose. Et puis après, du coup, il s'en est sorti, mais quand il est sorti, son oreille a été littéralement arrachée. Et donc, du coup, il y a je sais plus si c'est l'oreille droite ou l'oreille gauche, c'est un petit truc maintenant qui ressemble plus trop à une oreille. Oui, c'est vrai. Mick Foley, c'était un fou. Ah, bah, c'est... C'était un fou, c'est un mec qui vient du backyard wrestling, c'est-à-dire les gens qui faisaient. C'était une pratique amateur à la base, hein, c'était des gens qui faisaient du catch dans leur arrière-cour, littéralement, et sans aucune protection, sans aucune sécurité ni rien. Et lui, il vient de là, mais il a poussé le truc à un certain niveau qui est hallucinant en termes de spectacle, mais il faut quand même avouer que ce qu'il faisait était d'une dangerosité incroyable, quoi. Et même dans un Royal Rumble match, il a participé avec tous ses personnages. Ah oui, ça me dit quelque chose, ça va. Un personnage, il a été éliminé, ensuite quelques minutes après, il est revenu avec un autre personnage. C'est vrai. Et je crois qu'il a fait ça avec ses 4 gimmicks, du coup, c'est 4 personnages. Voilà, c'était assez. Mais il est incroyable. Incroyable, c'est un sacré catcheur. Donc, on est à 25 minutes d'émission. Je peux vous proposer de nous lancer dans une première pause musicale. Ah, je voulais juste dire quelque chose, une toute petite chose. Oui. C'est que j'ai vu aussi un match avec Triple H et Mankind du haut de la cage. Mankind, il veut faire une prise à Triple H, mais Triple H le contre, et du coup, Mankind tombe de la cage et il défonce le ring, en fait, tellement la chute est violente. Oui, ils ont fait ça quelques fois aussi, c'est clair. C'est dingue, voilà, ils ont repoussé les limites plein de fois. Il y a eu d'autres exemples, effectivement, après, de gens qui sont tombés des cages, mais avec Mankind et l'Undertaker, c'était la toute première fois, et je trouve que ça avait, c'était tellement choquant que ça avait vraiment une résonance différente. Mais c'est vrai qu'ils l'ont refait plein de fois, et franchement, ça reste, ça devient pas moins dangereux avec le temps, ça reste incroyablement dangereux. Tu m'étonnes. Donc du coup, première pause musicale, on va écouter la musique d'entrée de Shawn Michaels. Hein, je crois que Laura, tu as, je sais pas, un t-shirt ou un poster de Shawn Michaels. Ouais, c'est ça, je l'ai eu ce mois-ci dans ma box. Voilà, donc pour rendre hommage à ça, c'était prévu à l'avance, pas du tout. On va se lancer dans la musique de Shawn Michaels, on se retrouve juste après pour la suite de cette émission, d'ici un peu plus de 3 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Game Ozo. Sexy, I've got the looks, the drive so cool, while I've got the moves, that really move em. I said chill, up and down their spine, I'm just a sexy boy, I'm not your boy toy, I'm just a sexy boy. I make them hot, I make them shiver, their knees get weak, whenever I'm around, they see me walk, they hear me talk, I make them feel, like they're on cloud nine, I'm just a sexy boy, I'm not your boy toy, I'm just a sexy boy. Not your boy toy. Eat your heart out, girl. Hands off the merchandise. I'm just a sexy boy. I'm not your boy toy. I'm not your boy toy. I make them hot, I make them shiver, their knees get weak, whenever I'm around, they see me walk, they hear me talk, I make them feel, like they're on cloud nine, I'm just a sexy boy, I'm not your boy toy. Sexy boy, I'm not your boy toy. Eat your heart out, girl. Hands off the merchandise. Just a sexy boy. I'm not your boy toy. Sexy boy, I'm not your boy toy, I'm just a sexy boy, I'm not your boy toy, I'm just a sexy boy. Et nous sommes de retour sur Radio Game Ozo. Vous venez d'écouter une des musiques d'entrée les plus connues du monde du catch, celle de Shawn Michaels. Vous nous écoutez sur le 107 localement, sur notre site internet et sur notre application Les Radios Associatives. Et maintenant, je me retourne vers Jérôme à nouveau, vers Draven. Qu'est-ce que tu penses de cette musique d'entrée? Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Ah, elle est géniale. Les musiques d'entrée, ça fait partie du show. C'est super important pour les catcheurs. Et c'est vrai que autant il y en a, c'est juste voilà des petites musiques comme ça, où ils sont pas trop donnés de mal, on va dire. Autant il y en a quelques-unes effectivement qui sont des vraies chansons et qui marchent bien. Et celle-ci de Shawn Michaels, c'est effectivement une de mes préférées. Et en plus, il en a quasiment jamais changé. Je crois que c'est une des musiques d'entrée qui a la plus grande longévité, parce que il me semble qu'il avait déjà la même au milieu des années 90 quand j'ai découvert le catch. Donc, et puis il y a ce côté rock'n'roll. Puis en fait, ça définit tellement bien le personnage, charmeur, sexy, machin. Et voilà, c'est une chanson qui marche super bien. Voilà. Et maintenant, du coup, Shawn Michaels qui ne catche plus, il est à la retraite, mais qui est entraîneur du côté du Performance Center, je crois, actuellement. Probablement. Alors là, moi, sur tout ce qui est récent, je peux pas du tout t'aider. J'ai aucune idée de ce que ça devient ces dernières années. Et ben voilà, je te le dis. Je crois qu'il est entraîneur maintenant. Okay, avec Road Dogg aussi, je crois. Avec Road Dogg, même Triple H, qui est, même si c'est maintenant Triple H, c'est le grand patron, il continue d'entraîner aussi les jeunes, jeunes catcheurs, les jeunes catcheuses. Mm-hmm. Voilà, faire partager de son expérience, enfin leurs expériences. Il y a Matt Bloom aussi, anciennement appelé Tensai, Albert, E-Train, Albert. E-Train, Albert, ouais. Oui, enfin ils sont plusieurs. Voilà, ils sont plusieurs. Du coup, nous avons parlé juste avant la pause musicale des quelques grandes rivalités. Et maintenant, on va parler un petit peu du roster, de l'effectif de cette époque. Hein. C'était un roster bien chargé, hein. Vous allez le voir. Dans les athlètes les plus connus, nous pouvons citer Stone Cold Steve Austin, comme on l'a dit, Chris Jericho, qui est maintenant du côté de AEW, Eddie Guerrero, dont on salue la mémoire, Chris Benoit, Triple H, les Hardy Boys, hein, dont Jeff Hardy, c'est une des superstars préférées de Laura. Ouais, c'est vrai. Voilà, qui était quand même un peu moins connu à l'époque. Hein. À l'époque de l'Attitude Era, c'était un peu moins populaire, on peut dire. Ah si, ils sont montés en puissance une fois que Lita est arrivé. Enfin, après, les gens, ils criaient plus pour Lita et Jeff. Mais, mais dès qu'il y avait la musique qui retentissait, la foule était vachement hypée. Voilà, il y avait ensuite, comme on l'a dit, Kane, Undertaker, Mankind hein, aussi, ou alors Cactus Jack, ou Dude Love, ou encore Mick Foley. Voilà, c'était un des seuls catcheurs, d'ailleurs, c'est né le seul catcheur à avoir plusieurs personnages en même temps, je crois. Ouais, c'est rarissime, effectivement. En général, pour pas perdre le spectateur, et surtout pour pas mélanger les storylines, effectivement, une superstar n'a qu'un seul personnage à la fois. Et c'est seulement quand ce personnage ne fonctionne plus qu'on le met de côté pendant quelques temps et on le fait revenir au bout de quelques mois sous une autre identité ou des choses comme ça. Mais c'est du jamais vu d'avoir trois personnages en même temps, c'est clair. Voilà, Mick Foley, c'est aussi pour ça qu'il fait, ça fait de lui un catcheur. Une superstar unique, un combattant unique. Ah, moi, je voulais vous parler du roster des filles qui était plus impressionnant qu'aujourd'hui. Je trouve les storylines étaient beaucoup plus travaillées. Je suis d'accord, oui. Voilà. Donc, on peut citer quelques filles du roster, hein, comme Jacqueline, Ivory, qui a fait partie des Right to Censor, Jazz, Stephanie McMahon, qui n'a pas beaucoup catché, hein, mais qui était championne de la Women's Championship, pardon, avec Triple H et Kurt Angle à ses côtés. Elle a perdu sa ceinture en 2000, mais je sais plus quel mois, contre Lita, avec The Rock en arbitre. C'était assez drôle, ce match. Bah après, Stephanie McMahon, c'était pas une très grande catcheuse non plus. Hein. Non, on va pas se mentir. Ouais, voilà, c'est ça, mais c'est surtout qu'à ses côtés, ils essayaient de tricher, Triple H et Kurt Angle, et puis finalement, il y a The Rock qui a défoncé tout le monde, et il a fait un rock bottom à Stephanie McMahon, et puis elle avait plus qu'à faire son moonsault, et puis voilà, quoi, 1-2-3. C'est génial. Ouais. J'ai jamais vu un 1-2-3 taper aussi vite, en fait. c'était dans le booking du match, et c'est vrai qu'à l'époque, un catcheur homme qui s'en prenait à une catcheuse femme ou à une femme, c'était moins choquant qu'aujourd'hui. On avait vu plusieurs combats mixtes. Mais oui, il y avait des combats mixtes. Voilà, par exemple, aujourd'hui, si on voit un grand catcheur à la carrière de The Rock qui s'en prend à une catcheuse de la carrure de Stephanie McMahon, les gens vont faire, mais il est cinglé. C'est pas faux. Ah, il y avait aussi Molly Holly qui avait un gimmick avec The Hurricane en super-héros. C'est ça, tout à fait. D'ailleurs, il y avait même une ceinture qui était le Hardcore Championship, c'était l'ancienne 24-7. Bah, c'est la 24-7 du coup qui est. Ouais, c'est ça. On s'est compris. C'était le même principe, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, c'était le premier qui faisait le tombé, qui avait la ceinture. C'était très, très, très rapide. Voilà. D'ailleurs, cette ceinture était vraiment magnifique. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai plus le visuel en tête, pour être tout à fait franc. En fait, c'est une ceinture avec un peu des. Comment dire ? Bah, un petit peu comme si l'illustration c'était en mode un peu déchiré, en mode abîmé. Je te laisse parler, je vais faire la recherche sur mon écran en même temps. On regardera après l'émission, c'est ce qu'on dit tout le temps, puis en fait on cherche pas. Il y avait aussi Stacy Keibler qui avait fait équipe avec les Dudley Boys, mais il me semble qu'elle avait fait partie de la WCW avec Tori Wilson, je crois, si je dis pas de bêtises. Et il y avait eu un pay-per-view en 2001 avec l'Invasion. Parce que la WCW avait été rachetée par Shane McMahon, et pendant de longs mois, il y a des rivalités télévisuelles entre la WWF. Ok. Oui, l'invasion. Alors l'invasion, effectivement, ça a marqué un tout petit peu. C'était sur la fin de l'Attitude Era, parce que comme je l'ai dit avant, il y avait cette rivalité et à un moment, la WCW a commis plusieurs erreurs. Hein. Ils ont fait des storylines qui étaient un peu ratées, notamment. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, la WWF a gagné la guerre et surtout a racheté la WCW et donc ainsi que la ECW, une autre une autre fédération spécialisée en matchs extrêmes quelques mois plus tard. Et du coup, ils se sont retrouvés avec un roster énorme. Et effectivement, pour intégrer ça dans la storyline, ils ont fait comme si les catcheurs et catcheuses de la WCW venaient envahir, venaient perturber les matchs de la WWF. C'était rigolo, mais c'était un peu la fin de l'attitude era, on va pas se mentir, c'était pas ce qui a marché le mieux. Il y a notamment beaucoup de fans justement qui ont un peu senti le vent tourner à ce moment-là et qui ont un peu délaissé le truc. Il y avait pas mal d'invasions qui étaient pas trop mal. Il y avait des trucs cool, ouais, il y a des trucs choquants quand même. Parce que quand on n'était pas au courant des coulisses, c'était ouf. On se disait, attends, mais c'est dingue, il y a des mecs de la WCW qui viennent là en plein milieu perturber le match, c'est incroyable. Et non, c'était une bonne idée. Le seul problème, ce qui s'est passé, c'est que les plus grandes superstars de la WCW, des mecs comme Sting, Hogan, je sais plus trop lesquels, mais enfin voilà, ils n'étaient pas contractuellement obligés de participer à ce truc-là, et ils ont préféré tous rester en retrait. Et effectivement, c'était voilà, les plus grosses stars de la WCW n'ont pas participé à cette invasion, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fans de la WCW qui n'ont pas basculé sur la WWF à l'époque. En fait. Il y avait aussi un peu ce même délire aussi à l'époque. Maintenant, ça se fait plus. Je trouve ça dommage. À l'époque des Survivor Series, quand par exemple le show rouge Raw venait dans envahissait voilà, chercher le mot, dans le show bleu, tout ça, et qu'ils se bagarraient entre eux. Moi j'aimais bien, je trouvais que ça rajoutait un petit côté bien sympathique, mais à un moment ils ont arrêté ça, je sais pas pourquoi ils ont c'est dommage parce que ça apportait des trucs fun, c'est vrai, ces rivalités. Bah pour le WCW, ce sera mieux en français. Parce que je regarde beaucoup les matchs des Hardy Boys dans les années 2000. Mmh. Ils étaient en match de championnat contre les Dudley Boys, je crois. Et puis il y a Sean O'Hare et Chuck Palumbo qui sont arrivés, qui ont fait des prises de finition. Après, il y a tout le roster de WWF qui est venu les défendre. Il y a une partie du roster de la WCW qui est arrivée. Ça a fait une rixe incroyable. Franchement, c'était bien. Ah bah, c'était passionnant. Et puis, comme je sais pas si tu l'as dit, dans chez les femmes, tu avais deux catcheuses qui en ressortaient. Beaucoup. Oui, bien sûr, j'ai pas fini. Ah, pardon. Mais on peut pas citer l'attitude era sans parler de Shayna, qui a révolutionné et qui influence pas mal de catcheuses encore aujourd'hui. Ah, bah oui. Ouais. elle avait une carrure hallucinante se détachait nettement des catcheuses féminines qu'on connaissait jusque-là. Bien sûr. Et effectivement, en plus de sa participation, son intégration à D-Generation X a fait que elle était beaucoup mise en avant. Elle est devenue l'une des plus grandes superstars de cette époque-là et qui rivalisait avec des mecs en fait. Elle était plus balèze que certains mecs qu'il y avait dans les rings. Et du coup, comme elle faisait partie de cette équipe qui mettait le bazar un peu partout, qui était un peu les rebelles ultimes, qui était une réponse de la WWF à la NWO de la WCW. Hein. C'était le but, c'était d'avoir comme ça une équipe qui met le bazar, qui se contrefiche des règles, des choses comme ça. Et Chyna, c'est vrai qu'elle a un peu ouvert la voie comme ça à pas mal d'autres catcheuses en modernisant pas mal. Sa façon de combattre, parce que vraiment elle était à la hauteur des mecs, quoi. Ah oui. Et c'était impressionnant, quoi. Vraiment, on n'avait aucun doute qu'elle pouvait plier les mecs sans problème, quoi. Et c'était assez nouveau. Après, ça fait partie aussi des excès de cette époque, Je veux dire, elle avait quand même pas une apparence standard. Je dis pas qu'une femme doit avoir une certaine apparence, mais Chyna, on était quand même plus. Elle avait, pour ceux qui connaîtraient vraiment pas, elle avait une carrure de bodybuilder. Ah oui. Elle était monstrueuse, presque, entre guillemets. Mais c'était une bonne technicienne et tout, et elle était vraiment à la hauteur. Mais on était dans l'excès de muscles, de bodybuilding ultime qui a culminé à cette époque-là. Et qui effectivement se détachait beaucoup du catch à papa des années précédentes, où ils étaient loin d'être aussi bodybuildés que ça, quoi. Donc elle, c'était la première femme bodybuildée, c'était hallucinant. Et Chyna qui est, je crois, une des seules femmes avec Beth Phoenix, entre autres, et puis Karma également, qui a participé au Royal Rumble masculin. Non. Ah, c'est très possible, ouais, c'est vrai que c'est arrivé plusieurs fois. Là, j'ai pas le souvenir précis, mais c'est très possible. De toute façon, Chyna, on pouvait la mettre dans les matchs masculins, ça posait aucun problème. On se disait même qu'elle était favorite, quoi. Je veux dire, c'était tellement, elle avait une carrure de dingue, quoi. Donc, oui, ça serait pas surprenant. Je crois, hein. Je suis pas sûr, je vais pas dire de bêtises, mais je crois. Il me semble qu'elle a gagné une ceinture contre Chris Jericho pour l'Intercontinental Championship, si je dis pas de bêtises. C'est possible, c'est très possible. On regardera après la pause. Bien sûr. Alors, on peut pas aussi parler de Latitude Era sans parler de Lita et Trish Stratus, hein, nos catcheuses favorites très respectives. Hein. Alors, Trish Stratus était à la base manager de Test et Albert, l'équipe TNA. Mmh. Il y a une énorme rivalité entre les deux femmes et Lita a rejoint les Hardy Boys pour former la Team Extreme à ma plus grande joie en juin 2000. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les différentes rivalités de la Team Extreme, Jérôme ? C'était complètement dingue parce que c'est vrai qu'il y avait deux types de personnages féminins dans le catch avant ça. Il y avait soit les catcheuses un peu à l'ancienne où bon, c'était attention, je dis pas que elles étaient mauvaises ni rien, hein, il y avait quand même un certain niveau de technicité et tout. Et il y avait effectivement ce qu'on appelait les valets, donc voilà. des jolies jeunes femmes qui étaient juste là pour accompagner le catcheur sur le ring. Effectivement, ces deux femmes-là, elles ont un peu changé la donne parce que d'une part, elles étaient très jolies et ça marchait entre guillemets en tant que valet, mais elles avaient des aptitudes physiques hallucinantes. Et c'est ça qui est fou, notamment Lita, alors qui, par une coïncidence intéressante, est aussi ma catcheuse préférée. Lita, en fait, elle a intégré comme ça les Hardy Boys parce qu'elle était capable de faire la même chose qu'eux. Mmh. Et c'est ça qui est complètement dingue pour l'époque. On est très très loin du catch féminin tel qu'on le connaissait dans les années avant ça. Elle a presque révolutionné le genre avec ce côté acrobatique qu'elle avait acquis au Mexique. La lucha libre qui était sa passion et où elle avait été s'entraîner et du coup elle avait il y avait aucune différence de niveau entre elle et les Hardy Boys et effectivement du coup cette équipe mixte ont eu comme ça des rivalités avec il y avait tu disais il y avait ANA, il y avait donc Albert et Test ou TNA plutôt, c'est dans l'autre sens, ouais. Test et Albert les Radicals dont tu parleras sûrement après mais c'était et ça marchait en fait, c'est ça qui était dingue, c'est que ça marchait bien et Trish Stratus qui s'est révélée aussi être l'une des plus grandes championnes de l'histoire de la WWF ou elles avaient toutes les deux un niveau hallucinant, ce qui fait que quand on regarde les matchs qu'elles ont fait à l'époque, mais c'était complètement dingue. Les matchs mixtes entre les Hardy Boys, enfin la Team Extreme avec Lita et les TNA avec Trish Stratus, c'était complètement dingue parce que ça marchait en fait. Ils s'entendaient bien. En plus, on l'a su des années après, mais Trish et Lita sont ultra copines dans la vie. Elles continuent de se voir. Enfin, je veux dire, voilà, elles ont vraiment forgé une relation très très forte entre elles. Mais honnêtement, dans le ring, ça se voyait pas du tout. Elles se haïssaient. Ça marchait à fond et elles étaient, je le répète, au niveau physique des garçons, elles pouvaient faire des prouesses hallucinantes. Le moonsault final de Lita, il reste complètement dingue à chaque fois que je le vois. Je me dis, mais elle part du coin du ring, elle monte sur la troisième corde et elle fait un saut arrière retourné jusqu'au milieu du ring. La puissance physique qu'il faut pour faire un truc pareil j'ai jamais réussi à déterminer quel était mon finisher préféré entre celui de Jeff Hardy ou celui de Lita parce que ils sont fous tous les deux en fait, ils s'élancent la tête la première, lui en avant, elle en arrière, mais ils s'élancent la tête la première et ils font un tour sur eux-mêmes pour retomber sur leur adversaire, c'est un truc de dingue. Donc c'était une période fantastique pour ça franchement et Trish et Lita méritent largement le statut qu'elles ont acquis depuis cette époque, quoi. Et je me demande si c'est pas justement parce qu'elles s'entendaient, et elles s'entendent toujours super bien, qu'il y avait une telle osmose entre elles sur le ring, que leur haine paraissait tellement crédible, alors qu'en fait elles étaient meilleures amies. Ouais. Elles le sont toujours, je crois que tu m'avais dit. Oui, c'est la marraine de son fils. Oui. Qui est la marraine de qui? Lita est la marraine du fils de Trish Stratus, voilà. Parce que Lita n'a pas d'enfant. Non, donc voilà, c'est vrai qu'elles sont. Puis même d'ailleurs, Lita, je sais pas si vous avez regardé, qui est revenue, qui a fait un petit retour récemment contre les Damage Control pour s'en prendre à Io Sky, je crois. Voilà, qui a fait un petit twist of fate, le fameux twist of fate de Lita. Trop bien. C'était beau, quoi. C'est toujours aussi beau. Et la Team Extreme, je vais prendre ta prise de parole, mais voilà, c'est pas grave. Ah, tu parlais du moonsault, mais moi, ce que j'aimais par-dessus tout avec Lita, c'était quand elle montait sur la troisième corde, quand la Team Extreme avait un match, elle portait un Hurricanrana. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai. Et ça, c'est l'une des plus impressionnantes. Ouais, ça, c'est fou. C'est vrai, t'as raison. Ça, c'est une des prises les plus folles aussi, quoi. Ça reste incroyable, quoi. De se dire qu'on est capable de faire ça pour de vrai. Non, c'est une prise folle. Ouais, je suis d'accord. Le Hurricanrana, c'est waouh. pour nos auditrices et auditeurs qui sont pas forcément fans de Cap, c'est un ciseau de tête en fait. C'est ça. C'est Lita qui projeté pour le coup. Voilà, oui, voilà, qui saute et elle attrape son adversaire avec ses jambes par la tête. Jambes, et puis elle fait tourne. Un tour. Ouais, elle puis, tourne. C'est incroyable. Et puis après elle envoie son adversaire voler un peu plus loin. Mm-hmm. Voilà, c'est non mais Lita c'est toujours été une catcheuse très talentueuse. Ouais ouais, incroyable. Comme Trish d'ailleurs. Ouais. Mais elle le fait de la troisième corde, mais elle l'a fait aussi en pleine course comme ça. Oui, bien sûr. Ah ouais, ça ouais. C'est fou, mais c'est une prise impressionnante, mais qui est aussi dangereuse parce qu'il suffit que la personne, son adversaire retombe mal, elle peut très bien lui faire mal, lui briser la nuque finalement. Bien sûr. Oui, bah c'est ça. Hein. C'est, bah, après, c'est pareil là, c'est une entente entre l'adversaire et puis Lita. Mm. Voilà, l'adversaire, faut pas croire, il aide Lita à tourner autour bien de sûr. Lui-même. Mm. Et après, limite, c'est lui-même qui s'envoie un peu plus loin. Mm. Mais c'est vrai que si c'est mal calculé, ça peut faire des dégâts. Par contre, Lita qui s'était brisé la nuque après avoir porté un Hurricanrana pour tourner dans une série. Elle a été absente pendant un an. C'est vrai ? Ouais. Ah, ça c'est moche, ah, c'est bête. C'était pendant Hurricanrana ou lors d'un topé suicida ? Parce que je me souviens qu'elle a. Il y a un truc, elle sautait, elle a couru dans le ring et puis elle a sauté, elle est passée entre la troisième et la deuxième corde, la tête de la première et puis elle a atterri un peu en mode. Tu parles du match contre Trish Stratus, mais en fait, la première fois qu'elle s'est brisée la nuque, c'était pour le tournage d'une série. Ok. Tu regarderas après la pause. Oui, je regarderai après la pause, t'inquiète. Donc du coup, bah, on parlait justement avec Jérôme de The Radicals. Hein, donc c'était une équipe composée de Perry Saturn, Eddie Guerrero, Chris Benoit et Dean Malenko. Donc ils étaient tous à la base à la WCW et ils ont tout lâché pour venir à la WWF. Ils ont été ensuite rejoints par Terry Runnels. Mmh. Terry Runnels qui a été valet des Hardy Boys pendant un certain temps. Parce qu'il y avait eu un tournoi et en fait elle disait celui qui gagne ce match je le managerai et c'est ce qui s'est passé et après elle s'est retournée contre eux. Ouais. Et quand elle a rejoint les Radicals, elle était la petite amie de Perry Saturn. Oui dans le gimmick, dans la storyline. Donc on va parler un petit peu de Lita. Au début, comme on disait tout à l'heure, elle était manager d'un catcheur mexicain qui s'appelait Esarios avec des cheveux rouges. Mm-hmm. Je sais pas si vous avez déjà vu un de ses matchs contre Jeff Hardy à Esarios. C'est vraiment extraordinaire. C'est possible que si. En fait, il court du long du ring et il fait je sais plus le nom de la prise, si je sais, mais un tonquelo, quoi. C'est pas ça. Ça dépend, c'est quoi ta prise. En fait, le mec, il court jusqu'en haut du ring et il fait un salto sur la personne, quoi. Par-dessus, un salto complet et puis le tirer dessus. Voilà, c'est un ça. Un topé conilo. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Mais c'est vraiment incroyable à voir. Et en plus, quand tu regardes Jeff Hardy... De toute façon, moi, ce que j'aime, c'est les matchs de High Flyer. Ah, bah moi aussi. C'est super. Mon idole ultime aussi du côté des hommes, c'est Rey Mysterio. Bien sûr. T'as un grand... Incroyable. Un grand luchador. Mmh. Voilà, je t'ai coupé. C'est pas grave. Bah, Lita, à la base, elle est tombée amoureuse du catch en regardant un match de Rey Mysterio. Hein. Elle est partie se former au Mexique, comme tu disais, Jérôme, pour aller à la Lucha Libre. Et quand elle est revenue aux États-Unis, elle est revenue en tant que Miss Congeniality à la ECW. Elle incarnait le rôle de la petite amie à l'écran d'un catcheur qui s'appelait Donnie The Ring. Bah, du coup, on ne sait pas qui c'est, non, puis on cherchera pas après la pause. Je sais pas, ça te parle, Draven, Donnie The Ring ? Non, franchement, non, ça me vient. Bon. On a fait des recherches et elle s'est fait demander en mariage d'une manière très très singulière. Ah ouais. Tu veux dire quelques mots là-dessus ? Non. Ah si, c'est drôle. En fait, il lui a demandé en mariage, on lui met une bague, il lui a mis un préservatif. Voilà. Ah waouh, la grande classe. Ah, c'était bon. Ouais. Il n'avait pas les moyens. Ouais, enfin. Elle a donc catché à la ECW tenue par Paul Heyman, grande fédération, la ECW. Vous aimez les matchs hardcore, vous pouvez les voir sur le network et sur la chaîne officielle de la WWE sur YouTube. Et ça veut dire quoi, ECW, Laura ? Extreme Championship Wrestling. Bien vu. Bien vu. C'est ça. Ouais. Et Paul Heyman qui est d'ailleurs toujours aujourd'hui une grande figure du monde du catch. Mm-hmm. Il n'a jamais catché, je crois, mais surtout en tant que manager. Ouais, ouais. C'est un sacré bonhomme, j'ai envie de dire. C'est un sacré personnage. Ouais, il est assez insupportable. Bah, c'est lui qui avait fait revenir Brock Lesnar, je crois, il y a quelques années, mais je sais pas s'ils sont toujours ensemble, mais plus maintenant. Non, OK. Plus maintenant. Mais ouais, mais Paul Heyman, c'est un personnage incroyable qui s'arrête jamais de parler, qui joue super bien le mec insupportable aussi, tu vois. Il est génial, franchement. C'est vrai. Ouais. Maintenant, j'ai envie de me faire un petit plaisir et de dire quelques mots sur Trish Stratus, justement. J'avais pas fini. Ah bon ? Ah bah vas-y. Lita, elle a ensuite signé à la WWF en 99 sous le nom de Lita. On va juste rebondir sur Paul Heyman, à savoir qu'il n'a pas managé que Brock Lesnar. Il a managé CM Punk, The Big Show, oui. Et puis actuellement Roman Reigns. Roman Reigns qui... Ah oui. Ouais, à l'écran, il est le manager, le homme sage, si tu veux, de Roman Reigns. Du Tribal Chief. Tribal Chief. Du coup, je te redonne la parole pour parler de ta chouchoute à toi. Merci. Alors, Trish Stratus, elle se fait remarquer par la World Wrestling Federation Entertainment, hein, WWF, puis WWE en 2002, grâce à ses photos dans les magazines. La WWF l'engage en 1999 et l'envoie dans l'école de catch de Ron Hutchinson, que je ne sais toujours pas qui c'est non plus. Moi non plus. Cependant, personnellement, je ne suivais pas encore le catch à cette époque, j'étais trop jeune. T'insinues qu'on est vieux ? Non, j'oserais pas. Mais je connais tous les catcheurs que nous avons cités, hein, c'est comme des grandes personnalités du monde du catch, et c'est vrai qu'ils étaient tous très talentueux et ont inspiré d'anciens catcheurs et même des catcheurs actuels, à savoir qu'on a parlé de Dean Malenko. Sauf que Dean Malenko est désormais du côté de la deuxième plus grande fédération de catch américain au monde, All Elite Wrestling, ou AEW, en tant que producteur, me semble-t-il. Voilà. Du coup, je vous propose de nous pencher davantage sur le roster, à savoir qu'il était composé de 117 membres au 31 décembre 2001. Alors, c'est composé de quoi un roster, Chris ? Est-ce qu'il y a que des catcheurs et des catcheuses ou pas ? Eh bien non. Un roster, un effectif englobe tout le monde, les catcheurs, les catcheuses, les commentateurs, les annonceurs, les intervieweurs, les grands patrons, etc. Et Jérôme, justement, là, je me retourne à nouveau vers toi. Est-ce que tu te souviens de certains noms autres que ceux que nous avons déjà cités ? Et si oui, lesquels appréciais-tu ? Et lesquels appréciais-tu le moins ? Et pourquoi ? Voilà. Bah, on a quand même cité la plupart des plus grandes superstars. Honnêtement, je vais pas mentir, parce que j'étais plus jeune aussi, hein, quand j'étais fan de ça. Donc j'étais quand même beaucoup très très fan de The Rock, de Stone Cold Steve Austin et de l'Undertaker et de Triple H. On va dire que c'est sur cette époque-là, ça reste de très loin mes quatre favoris. Notamment The Rock et Stone Cold qui était incroyable, qui avait une présence scénique en dehors des matchs, c'est-à-dire c'était parmi ceux qui étaient aussi bons en dehors du ring que dans le ring, parce qu'il y en a, c'est le problème, hein, de pas mal de catcheurs, il y en a qui sont excellents dans le ring, mais avec le micro en main c'est compliqué, oui, ils ont du mal à emmener un peu la foule avec eux, alors que Stone Cold Steve Austin, quand il commence, enfin, de toute façon, toute la rivalité qu'il a eue avec Vince McMahon, qui a duré des années, c'était génial. À chaque fois qu'il prenait le ring ou le micro, ou à chaque fois qu'il arrivait sans prévenir quelque part, et on pouvait être sûr qu'il allait tout casser, qu'il allait tout défoncer, qu'il allait mettre des baffes à tout le monde, à tout ce qui bougeait, qu'il allait boire des bières, qu'il allait casser des trucs. Enfin, c'était fantastique. Et The Rock, c'était plus compliqué parce que lui, de temps en temps, il était face, de temps en temps, oui, il était heel. Il y avait des moments où il jouait vraiment le salopard, alors que d'autres moments c'était le gentil et tout. Mais pareil, il avait une présence, c'était tellement fantastique. Et voilà, ces mecs-là ont vraiment, vraiment apporté énormément à la fédération à cette époque. Maintenant, des personnes que j'aime moins, il y a pas vraiment de personnes que j'aime moins. Il y a quelques heels que j'adore détester, mais c'est pas la même chose. Ouais. C'est-à-dire que je sais très bien ce qu'ils font et pourquoi ils le font, et voilà, et je me dis, ah toi je te déteste, j'espère que tu vas perdre et tout. Mais c'est pas des gens que je déteste pour de vrai. Non, le seul truc, je dirais, là où je mettrais une limite sur l'attitude era, qui était aussi un peu une nouveauté, c'était de faire venir des jeunes femmes qui n'étaient pas des catcheuses, des vraies catcheuses professionnelles. Alors t'en as cité quelques-unes comme Stacy Keibler ou Tori Wilson par exemple. Oui. Honnêtement, alors oui, elles étaient très jolies, mais c'était des catcheuses nulles, mais nulles, on va pas se mentir. Franchement, elles étaient mauvaises et il y avait quand même beaucoup de choses qui tournaient autour d'elles. Il y avait des matchs spécialement pour elles, justement les Brian Panties match où elles se battaient en petite tenue. Il y avait les Pillows match où elles se mettaient des coups de coussin. Hein, c'était ridicule et voilà, ça c'était naze parce qu'en termes de sportivité, si je peux dire ça comme ça, c'était naze. C'était vraiment, c'était juste pour se rincer l'œil, mais en termes de bon catch, on en était très loin, quoi. Donc voilà, ce que je citerai. Alors, j'ai pas tout à fait répondu à ta question, non, pas tout, mais en tout cas, voilà, mes préférés, et puis les trucs où honnêtement je m'ennuyais parce que voilà, oui, elles étaient jolies, mais franchement, en termes de catch, c'était naze. Bien sûr. Nous sommes à 55 minutes d'émission, est-ce qu'on s'en serait pas dans une autre pause musicale ? Ah, je voulais juste dire quelque chose sur Stone Cold et The Rock. Je me rappelle d'un match, je sais pas si c'est à WrestleMania, où chacun a porté la prise de finition à l'autre. À savoir que Stone Cold a fait un Rock Bottom et The Rock un Stunner. Ouais, ouais, ouais, et ça, il me semble que c'est en 2002 et ça marque la fin de l'Attitude Era d'ailleurs. C'est assez intéressant que tu mentionnes ça parce que il s'est passé un truc. Alors le match en lui-même était fou. C'est vrai que en termes de rebondissement, puis c'était deux des plus grandes superstars et tout, ça marchait super bien, c'était incroyable. Mais la conclusion de ce match n'a pas fonctionné sur les spectateurs parce que la grande révélation, le grand twist à la fin de ce match, c'est qu'en fait Stone Cold Steve Austin était l'allié secret de Vince McMahon et le public a complètement rejeté cette storyline parce que justement la meilleure époque de l'Attitude Era c'était quand Stone Cold était contre Vince McMahon et leur rivalité marchait tellement bien que imaginez une storyline qui fait l'exact contraire où ils deviennent alliés. Et d'ailleurs, je crois que la storyline n'a pas duré très longtemps. Hein. Ils l'ont abandonné assez vite. Les fans se sont dit non, là par contre, vous vous foutez de nous, quoi. Mmh. Voilà. C'est dommage d'avoir conclu un match aussi légendaire où chacun effectivement pique la signature move de l'autre par un début de storyline qui était une mauvaise idée. Mais après, des mauvaises idées de storyline, il y en a eu plein. On va pas se mentir. Hein. Et chez la WWE, mais aussi chez les concurrents. Hein. Donc voilà, c'est normal. On peut citer notamment Vince McMahon qui des fois défaisait son pantalon pour que son adversaire mette sa tête dans ses fesses. Oui, ça c'est... Oh, c'est pas le pire truc que j'ai vu, mais oui. Ben, c'est débile, quoi. Oui, c'est débile. Ouais, c'est débile. Bah, d'ailleurs, Vince McMahon qui a déjà catché à une époque et qui avait comme prise de finition, comme signature move, comme tu l'as dit, un stunner également, beaucoup moins bien exécuté que Stone Cold. Ah, oui. Mais, trop mal exécuté. Trop mal exécuté. Mais voilà, c'était ça aussi. On peut faire le lien là-dessus. Du coup. Et The Rock qui a fait aussi partie une équipe avec les McMahons qui s'appelait la Corporate. Ouais. Et justement, on parlait de Stone Cold, il est arrivé avec un camion rempli de bière, il les a arrosés. Ouais, et on a regardé ça hier, on était pété de rire. C'est incroyable. Mais c'est dommage qu'on voit plus ça maintenant. Ils font plus du tout ça maintenant. Alors que ça va, tu vois, ça, ils pourraient refaire. Il y a des choses, tout le sang, toute la violence, tous les gros mots et tous les trucs très, très, très sexy, je peux comprendre qu'ils le fassent plus aujourd'hui. Mais ça, c'était juste fun, en fait. C'est complètement fun d'arroser tout le monde de bière. Tu les vois, ils glissent, ils se cassent la gueule. Enfin, c'est fantastique. Et je sais pas, visuellement ça marche bien et puis c'est bon enfant, quoi. Bah oui, c'est rigolo. Ça ils pourraient refaire, c'est vrai qu'ils font plus du tout. Est-ce que tu veux annoncer? Oui, aussi. Et tu te rappelles d'un moment que la Dix elle a balancé un truc vert aussi sur le ring? Me semble, mais c'est très vague. Ça me dit rien, c'est peut-être parce que c'était en 2006, ça fait pas du tout partie de la J'ai déjà vu passer ça, mais j'avoue qu'en 2006 je regardais pas encore le catch, mais j'ai dû voir. T'insinues que je suis vieille là? Mais non. On va se lancer dans une deuxième pause musicale avec la team song des Degeneration X, la DX hein, du coup. C'était de l'Attitude Era, donc l'équipe était composée de China, Shawn Michaels et Triple H et les New Age Outlaws, à savoir Road Dogg, Mr. Ass et X-Pac. On se retrouvera juste après sur le 107. Are you ready? You think you can tell us what to do? You think you can tell us what to wear? Yeah, check this out. You think that you're better? Well, you better get ready. Bow to the masters. Think you can tell me what to do? You know who you're talking to? Well, you better get used to the way the ball bounces. I see what you got, adventures and ounces. But that's a brace, boy. That's a brace, little man. Break it down. A big man. I treat you like you're a little man. Yo, tell me what it's like to be half a man. I must think you can tell me what to do? You know who you're talking to? Et nous sommes de retour sur Radio Gamozo 107. Vous venez d'écouter une des versions de la musique d'entrée du clan D-Generation X avec Triple H, Shawn Michaels, Road Dogg, Mr. Ass ou Billy Gunn. Et tu avais dit tout à l'heure, Laura, avec eux X-Pac. X-Pac, voilà. Et X-Pac qui est d'ailleurs aussi du côté des entraîneurs maintenant, il me semble, du côté du Performance Center. Oui, et il a aussi fait partie de la NWO. Il a été introduit au Hall of Fame avec Hulk Hogan, Razor Ramon, qui était décédé entre temps, je crois, et Kevin Nash, voilà, l'année dernière. X-Pac qui a eu plusieurs aussi, et plusieurs noms de ring également, il me semble. 1-2-3 Kid. Ouais, je crois que c'est lui, je sais pas, Draven. X-Pac, 1-2-3 Kid, ça te parle? C'est pas ce que je connais le mieux pour être franc, donc je pourrais pas du tout vous aider. Ok. Je les connais de nom, j'ai vu quelques matchs, mais sans plus. Ok. Non, bah après, moi je sais que cette musique d'entrée, mais en fait, ça a toujours été la même musique pour la DX, sauf qu'il y a eu plusieurs nuances. Ouais, il y a des petits remix chaque année. Mm-hmm. Mais moi, je sais que la première fois que je l'ai entendu, et puis même encore aujourd'hui, quand j'entends cette musique, ça me donne des frissons. Mm-hmm. C'est un truc de fou. Je sais pas si c'est dans la voix ou même dans la musique et tout, mais c'est un... C'est l'ambiance, en fait. C'est ça. Mais j'avoue que celle-là, la version-là, je la connaissais pas, mais je crois que c'est la toute première version de du theme song de la DX. En 2000, apparemment. Oui, bah, c'est le tout premier, pour le coup. Voilà. du coup, de quoi vous voulez parler maintenant? Bah, des shows de catch que vous avez été voir. Allez, parce que moi, je peux pas y aller. Allez. Parce que du coup, il va peut-être y avoir, enfin, on espère, un show à Paris, qu'on espère en 2024. Ouais, bah, ils aimeraient même faire, la WWE aimerait faire un grand pay-per-view, un grand premium live event, maintenant, du côté du style WrestleMania, mais du côté de Paris, je sais plus dans quel grand lieu de Paris. Voilà, c'est une des ambitions que Cody Rhodes a proposé d'ailleurs, et que la WWE serait partante pour le faire. Pour l'instant, rien n'est fait, mais on sait dans les plans, c'est en discussion en interne du côté des bureaux et puis des vestiaires de la WWE. J'aime bien, je parle comme si je faisais partie de la WWE, ça me fait rire. Ça serait bien, moi j'aimerais bien faire partie des scénaristes. Ah bah ça, comme on l'a dit il y a plusieurs mois en arrière, pour certains points, on aurait de meilleures idées, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus pour cette émission. C'est nous les meilleurs, embauchez-nous. Voilà. Ok. Donc, comme vous êtes déjà allé voir des shows de catch en vrai, hein, je vous propose d'en parler chacun à votre tour. Donc, on va commencer par Jérôme, les invités d'abord. Merci. Oui, j'ai eu la chance. Alors, c'était assez fou à l'époque, hein, parce que dans les années 2000, je me souviens, parce que moi j'étais vraiment à fond dedans et je faisais des recherches, et justement je me disais, mais est-ce que la WWE viendrait pas de temps en temps en Europe, tout ça, parce que je savais que ça s'était déjà fait. Et j'avais découvert qu'en fait ça faisait je sais plus 10 ou 20 ans qu'ils n'avaient pas mis les pieds en Europe. Mmh. Ils ne faisaient plus comme ça de tourner, pas en Europe en tout cas, et alors surtout pas en France, ça c'est clair, net et précis. Et puis ben, j'ai eu de la chance, parce que vraiment à partir, alors j'arrive pas à retrouver l'année exacte où j'ai assisté, mais en tout cas ils ont effectivement commencé à refaire des tournées en Europe, et j'ai pu assister 3 fois à SmackDown, à SmackDown, alors une fois à Zurich, une fois à Stuttgart et la dernière fois à Strasbourg. Donc, quand ils ont fini par revenir en France, enfin. Alors, j'ai une anecdote pour vous dire pourquoi 3 fois, parce que ça se ressemble, hein, faut dire oui. Ce qui est, surtout que c'était assez proche. Et ben, c'est tout simplement parce que moi je voulais voir l'Undertaker en vrai. Et l'Undertaker, il était à SmackDown, il n'était pas à Raw. Donc, c'est pour ça que j'allais pas voir Raw, je voulais voir SmackDown. Et le truc, c'est que donc, l'Undertaker faisait partie du roster. Et moi, j'achetais mes billets facilement 6 mois à l'avance, hein, parce que dès qu'ils étaient disponibles. Oui. Et d'ailleurs, à Zurich, j'avais, je vous jure que c'est que je vous raconte pas de crack. Peut-être je peux les retrouver ces billets parce que je les ai quelque part. Mais j'avais acheté la première minute où ils étaient disponibles sur Internet et j'avais les billets numéro 1 et numéro 2 pour mon cousin et moi. On était au pied du ring. Wow. C'était complètement dingue. Je sais qu'on a vu Batista de sûr parce qu'il était déjà actif à cette époque-là. J'essaye de retrouver d'autres superstars hein, qui étaient déjà actifs et que j'ai vus, mais pour finir mon histoire, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que surtout, l'Undertaker, à chaque fois que j'ai acheté un billet, que ce soit à Zurich ou à Stuttgart, quelques semaines ou un ou deux mois avant l'événement, il était blessé et il se retirait du truc. Ouais. Alors qu'il était toujours, il était sur l'affiche. À chaque fois, il était sur l'affiche quand j'achetais le billet. Et c'est pour ça que j'ai encore été les voir une troisième fois, cette fois à Strasbourg, pour enfin voir l'Undertaker en vrai. Mais a priori, de toute façon, les noms là que j'ai sous les yeux... Je pense, j'ai vu The Miz, c'est à peu près certain. J'ai vu John Morrison. Je pense que j'ai vu Tommy Dreamer. Il y a des chances que j'ai vu CM Punk et je pense que dans les principaux que j'ai vu, devait y avoir Batista et Edge. Donc j'ai quand même eu la chance de voir des sacrés matchs. J'ai été surpris parce que faut savoir que quand on le regarde à la télé, c'est quand même très monté. Alors monté [S2] Ah oui. [S1] Entre guillemets, mais monté en direct parce que il y a des angles de caméra qui sont très précis, qui sont pas du tout laissés au hasard. C'est vrai que quand on voit un house show, c'est différent parce que là, le ring ne bouge pas, hein, on n'a pas tous ces angles de caméra. Mais il y a une violence, en fait, dans les coups qui sont portés, qui est presque plus forte que ce qu'on voit à la télévision, dans le sens où, par exemple, des simples atémis sur le torse de l'adversaire, mais ça claque dans toute la salle. Je peux vous dire que ça claque très, très, très, très fort. C'est vraiment impressionnant. Et quand il tombe sur le ring, pareil, ça fait un boucan. Ça fait un bruit complètement dingue. Et alors, je vous raconte pas, mais quand j'étais au premier rang à Zurich, donc place numéro 1 et 2, mon cousin et moi, on les a presque touchés. Hein, je me demande si on n'a pas touché Batista à un moment qui est venu se reposer contre les barrières où on était juste nous, quoi. Donc c'était complètement dingue de les voir en vrai. Et c'est des monstres. On ne se rend pas toujours compte à la télé, mais ce sont des monstres. On parle de types qui mesurent plus d'1m80, 90 et qui sont 3, 4 fois, 5 fois larges comme moi. Ils sont gigantesques. C'est très impressionnant de les voir en vrai pour ça. Et donc, du coup, l'Undertaker, donc ton idole, tu l'as vu en Alsace, à Strasbourg. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait comme sensation de le voir en vrai faire son entrée avec sa musique un peu de cimetière, tout ça, ça fait quoi? C'était fantastique, tu peux pas imaginer. Je veux dire, c'est un truc dont j'étais fan depuis que j'étais ado. Mais vraiment, j'avais 14 ans, tu vois, quand j'ai découvert l'Undertaker. Et sa musique d'entrée fait partie de celle que j'ai le plus écoutée, alors que c'est pas la plus riche ou la plus variée, on va pas se mentir. Mais il y a une ambiance lors de son entrée, il y a un truc fantastique. Il y a certaines de ses vidéos, je me remettais juste à son entrée tellement je la trouvais majestueuse, tellement elle fonctionne, tellement elle est longue, mais il y a un respect en fait qui se déroule pendant son entrée qui est incroyable. Et effectivement, de la voir en vrai, alors elle n'était pas aussi spectaculaire à Strasbourg parce que dans les house shows, il faut pas oublier qu'il n'y a pas les écrans géants, à l'époque en tout cas. Il n'y avait pas tout ça, donc il y a beaucoup moins de mise en scène, c'était beaucoup plus simpliste, on va pas se mentir. Je suis même pas sûr que quand il avait fait son entrée, je suis pas certain qu'il avait le manteau et le chapeau, tu vois. Je pense qu'ils ont éteint les lumières, certes, et il y avait la musique, ok, mais il est arrivé directement en tenue de combat, tu vois, par exemple. Donc, mais ça reste un moment, incroyable. Ça fait partie de l'expérience du catch, hein, de toute façon. Il y a les combats en eux-mêmes, mais il y a les entrées, il y a les moments au micro. Tout ça, ça fait partie du spectacle. Et pour moi, c'était incroyable de le voir en vrai, enfin, quoi. Et il est gigantesque. Il mesure quasiment 2m20, ce type. Et c'est, de le voir en vrai, c'est totalement différent de le voir à la télé, franchement. Ouais, j'imagine. À la télé, on se rend plus compte à quel point ces mecs sont énormes, en fait. Mais je crois qu'à la télé, en vrai, je crois que on est plus petit en passant à la télé. C'est possible. Ouais. Non, c'est possible. Ça joue un peu. Ouais, franchement, c'est, Ça condense un peu le truc et on a du mal à se rendre compte à quel point ils sont énormes, quoi. Mais je sais que dans les house shows que j'ai vu aussi un certain Bobby Lashley. Ah oui. Bobby Lashley, c'est une sacrée bestiole, quoi. Et puis je parle pas de Batista, quoi. Je veux dire, c'est des mecs, ils sont énorme, mais vraiment, c'est incroyable de voir une telle masse devant toi. Et surtout, ils courent, ils sautent, ils montent sur les cordes, ils font des trucs complètement dingues. Que toi, tu essaies de faire ça, t'es essoufflé en deux secondes. Tu m'étonnes. Donc, c'est ça. Ils touchent en PLS, quoi. C'est ça. Non, c'est des expériences incroyables. C'est pas exactement la même mise en scène que à Raw ou à SmackDown, il y a moins de show, il y a pas d'écran, il y a pas d'effets pyrotechniques, il y a pas forcément de choses au micro ou de choses comme ça, mais ça reste très impressionnant, c'est génial à voir quand on est fan, bien sûr. Tu m'étonnes. Bah, l'Undertaker qui avait des entrées des fois pendant les WrestleMania qui étaient incroyables. Ah, il y avait des personnes qui étaient habillées comme lui avec des flambeaux et puis il rentrait comme ça. Pendant la période ministry, justement, qui est en pleine attitude era, où il avait quasiment son propre culte satanique, qui était un truc complètement dingue. Et effectivement, avec les flambeaux, avec tout ça, il y avait avec des croix enflammées. C'est fantastique, franchement, magnifique. Oh bah, le Undertaker, c'était un sacré personnage quand il catchait tout ça. Et puis il a eu aussi plusieurs gimmicks, plusieurs personnages dans sa carrière. Oui. Comme tu l'as dit, le ministry, ou alors une autre, avec son grand blouson noir, son grand chapeau, également de motard, American Badass. Ouais, l'American Badass en 99. Voilà. Ça n'a pas duré très longtemps, mais oui, il y a eu cette période. Il y a plusieurs gimmicks, mais dans. Ça revenait en 2001, 2002, je crois. Ouais, American Badass. Dans tous ces gimmicks, dans tous ces personnages, il était excellent, quoi. Oui, c'est ça, en fait, ça marchait, c'est vrai que il avait ce personnage mystique, quasi immortel, qui avait toute cette mythologie dont je parlais tout à l'heure, mais effectivement, en American Badass, où c'était, entre guillemets, un simple motard, de 2m20 quand même, ça marchait du feu de Dieu, en fait, parce que, et c'est ça qui était fantastique, c'est que il gardait le même nom. C'est ça qui est incroyable, qui est assez rare d'ailleurs. C'est il gardait le même nom, c'était toujours l'Undertaker, mais il avait par exemple une autre prise de finish quand il était American Badass, puisqu'il faisait le Last Ride et il ne faisait plus le Tombstone Piledriver, par exemple. Et du coup, ça, il s'était vraiment réinventé, tu vois. Il s'était donné du mal et il avait. De toute façon, c'est fin des années 90, début des années 2000, c'est là où il est au top de sa forme, où il fait des trucs incroyables dans le ring. Et malheureusement, moi, quand je l'ai vu, il était un peu sur la fin, sur le déclin, et ça marchait moins bien. Il était beaucoup plus monolithique. C'est un peu dommage. Mais c'est un performer de dingue. Et puis même, je pense que s'ils avaient changé son nom de ring, ça aurait rendu moins bien, l'effet aurait été moins impressionnant. C'est son identité, en fait. C'est son identité à l'écran, The Undertaker. Donc s'il l'avait appelé autrement, je sais pas, ça aurait peut-être été... Non, ça aurait été moins bien. Et puis en plus, il y avait une espèce de continuité, parce que quand il revenait en tant qu'American Badass, c'était après, justement, la période ministry, la période de la secte satanique. Et donc, c'était la fin d'une ère, mais on sentait que ça fonctionnait. Enfin, je veux dire, il y avait une vraie continuité. Et la fin de l'American Badass, c'est pareil. En fait, il était, ça s'est terminé. Je sais plus si c'était un casket match ou un buried alive match où il avait été enterré vivant. Et donc, on l'a plus vu après, je sais plus, pendant un an ou deux. Et quand il revient en Undertaker, ça marche parce qu'on se dit, ah ouais, en fait, il revient d'entre les morts presque. Et du coup, ça marchait super bien. Donc, il y avait même une continuité entre tous ces personnages qui étaient pourtant différents les uns des autres. Et c'était pas fondamentalement différent. Pas se mentir non plus, mais quand même, c'était vraiment sympa, c'était bien pensé. Et les buried alive match, mais c'était incroyable ça, c'est dommage que ça existe plus ça. Mais c'est à ce jour, il y en a certains que je ne comprends toujours pas comment ils ont fait. C'est-à-dire que ils balancent l'Undertaker dans le trou creusé dans la terre et puis ils vont démarrer la pelleteuse et ils abaissent le godet de la pelleteuse et tout ça c'est en public, donc c'est dans une arène avec tout le monde autour et qui déverse des tonnes de terre sur le trou où l'Undertaker vient juste de tomber. Je ne sais pas comment ils ont fait. Je sais pas, ils ont dû faire appel à des prestidigitateurs pour avoir des techniques, c'est incroyable visuellement, mais ça marche à 200%, quoi. C'est génial en termes de match. Il y avait aussi un match dans le ciment, je crois, où ils avaient coulé quelqu'un dans le ciment. C'était contre les Dudley Boys, ça. Je me souviens plus trop, mais des trucs incroyables, quoi. Vraiment, ils allaient super loin, c'est fort. Ouais, c'était impressionnant. Puis ce qui était bien avec l'Undertaker, c'est t'as l'impression qu'il était KO sur le ring. Puis d'un coup, il sort levé comme ça, avec les yeux grands ouverts. Oh, c'était flippant. Ouais, mais ça marche. Assis comme ça. Ouais. Ouais, assis tout droit, mais ça marche trop bien. Ça marche trop bien. J'adorais le faire dans les jeux vidéo. Ça, c'est, ça marche super bien parce que du coup, tous les catcheurs le font à un moment où effectivement, on croit qu'ils sont finis et puis ils finissent par se relever. Mais lui, il est le seul à se relever tout droit comme ça. Et parfois, il le faisait même avec les yeux révulsés. Mmh. Et, mais ça apportait un truc au match. C'était incroyable. Incroyable. On a passé une première pause musicale avec Shawn Michaels. Il y a une longue rivalité entre les deux. Donc Shawn Michaels, qu'on appelait Mr. WrestleMania. Il y a eu plusieurs WrestleMania l'un contre l'autre. Ben, et notamment le dernier de Shawn Michaels. Hein, c'était ça l'enjeu. Alors je sais plus quel numéro de WrestleMania c'était, mais effectivement l'enjeu c'était pour l'Undertaker. Si l'Undertaker perdait, eh bien bon bah c'était la fin de son winning streak, c'était la fin de voilà de sa série de victoires ininterrompues. Et par contre, si Shawn Michaels perdait, il devait obligatoirement, soi-disant, partir à la retraite. Et donc il y avait quand même des enjeux énormes parce que Shawn Michaels était là depuis longtemps, l'Undertaker aussi, c'est tous les deux d'immenses superstars qui étaient là déjà bien avant l'Attitude Era, mais qui avaient gagné en popularité avec l'Attitude Era, et qui étaient encore là après, et donc il y avait tout ce passif, c'était un match avec des enjeux énormes, et franchement, quand le match se finit, que c'est l'Undertaker qui gagne, on voit les larmes dans les yeux de Shawn Michaels, c'est parce qu'il sait que voilà, c'est fini. Alors je crois qu'il a refait des petits matchs à droite à gauche, mais enfin, en tout cas, c'était la fin de sa carrière régulière, et il y a une vraie émotion, et il y a un vrai respect entre les deux, même s'ils sortent pas de leur personnage sur la fin du match, il y a un respect énorme entre les deux pour la carrière, la rivalité, tout toutes les rivalités qu'ils ont eues. En plus, ça marchait tellement bien parce qu'il y en a un, c'est le petit nerveux, flamboyant, dragueur, machin, et l'autre, c'est le colosse. le colosse, le monolithe imperturbable et tout. Donc du coup, leur rivalité marchait super bien, c'est clair. Bah, ça ne m'étonnerait pas qu'à la fin du match, dans les coulisses, ils se soient pris dans les bras chacun. Il y a des chances, ouais, je pense, parce que sûr, vu comme leur rivalité était très intense, donc c'était... En parlant de WrestleMania, si on parlait de la strike d'Undertaker, en sachant que quand il l'a perdu, c'était un peu très décevant. Bon. Très décevant, ça m'a. Donc il l'a perdu contre Brock Lesnar. C'était une décision de Vince McMahon, effectivement, pour construire un peu sur le personnage de Brock Lesnar, qui, selon moi, n'avait pas du tout besoin de ça. Mais vraiment pas, je veux dire, Brock Lesnar était déjà largement très très connu, mais c'est vrai que là, il faisait son grand retour à la WWE après pas mal d'années d'absence, et c'était une décision de Vince McMahon que, honnêtement, que je trouve débile. Mmh. Que je trouve débile parce que il aurait fallu... enfin. Bien sûr, on savait que ce serait symbolique le jour où l'Undertaker finirait par perdre, et que ça arriverait peut-être un jour, peut-être jamais. Moi, honnêtement, si c'était jamais arrivé, j'aurais préféré, hein, parce que il serait resté dans l'histoire pour ça, et parce que moi, ça apportait à chaque WrestleMania, ça apportait un niveau de tension. On pouvait pas imaginer quoi, dans quel état j'étais devant mon écran à me dire, j'espère, je priais pour qu'il perde pas, justement, pour qu'il reste le catcheur qui rentre dans l'histoire en n'ayant jamais perdu à WrestleMania. Donc cette décision de Vince McMahon, vraiment, je la regrette, et surtout avec Brock Lesnar, parce que qui n'avait vraiment pas besoin de ça. Si ça pouvait être, enfin, j'aurais accepté, ça aurait été par exemple contre Kane éventuellement. D'ailleurs, l'Undertaker lui-même l'avait déclaré, je crois, dans une interview, que s'il devait perdre un jour, il aimerait que ce soit contre Kane. Et je trouve qu'il y aurait eu une symbolique très intéressante, effectivement, presque un passage de relais ou quelque chose comme ça. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait comme ça et je le regrette. Vraiment, pour moi, cette série de victoires, ça apportait un sel à chaque WrestleMania qui était dingue. Et c'est un peu aussi pour ça que j'ai arrêté de regarder, que j'ai un peu arrêté le catch, parce que j'étais extrêmement déçu de cette décision. De le faire perdre, surtout contre Brock Lesnar. C'est vrai que ça aurait été logique avec Kane, comme tu le dis, parce qu'il y a un grand passif entre eux. Ouais, c'est donc, ça. Et ça aurait été un bon moment, ça aurait été presque un passage de relais. Maintenant, Kane n'est pas beaucoup plus jeune que l'Undertaker, un peu, mais pas beaucoup. Mais ça aurait été bien aussi peut-être de le faire sous forme de passage de relais avec un nouveau personnage qui avait comme ça une aura peut-être un peu mystique. Pourquoi pas. Ça aurait été sympa. Bon, ils ont décidé de pas le faire comme ça. Vraiment, je trouve que ça reste une grave erreur. L'Undertaker lui-même n'a pas vraiment apprécié cette décision, mais après, ça a toujours été un grand fidèle de Vince McMahon, un de ses plus fidèles associés. Il a respecté la décision de Vince McMahon, mais il a dit clairement qu'il avait été choqué d'apprendre que cette année tu vas perdre contre Brock Lesnar. quoi. Enfin, c'était pas un très bon match en plus, quoi. C'était, enfin, bref, ouais, je le regrette. Vraiment. Ouais, ouais, c'est vrai que c'était pas la décision la plus la meilleure décision à prendre. Non, je pense pas. Bah, l'Undertaker qui est rentré au Hall of Fame l'année dernière, qui a été introduit par Kane, il a dit que si Kane entrait au Hall of Fame, c'est lui qui l'introduirait. Et j'espère que Kane sera bientôt introduit au Hall of Fame, parce qu'il a une sacrée carrière aussi. Bien sûr. Ah, je pense. Je pense même si maintenant il est catché plus, maintenant il est maire du comté de je sais plus quoi. C'est dingue ça. De quoi ? C'est dingue ça, je savais pas. J'étais pas au courant de ça. Oui, bah ouais, maintenant Kane il est maire de sa ville. Trop bien. Voilà. Et donc c'est vrai que ça serait totalement logique que Kane, non seulement pour sa carrière, soit au Hall of Fame et que le Taker l'intronise. Quoi. Bah oui, ce serait tellement logique, bien sûr. Bah du coup, Chris, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience à toi ? Oui. Alors, depuis que je suis fan de catch, donc ça fait depuis 2009, hein, donc là je suis dans ma 14e année, je crois, si je sais compter, de fan de catch, j'ai déjà eu la chance d'assister, je crois, à 3 shows différents. 2 shows d'une structure école appelée Ligue Nationale de Catch qui se trouve à côté de Nancy, je crois. Et une fois, je suis allé voir une fois à Épinal, une fois à Remiremont. Bon, c'est du catch français, donc c'est d'un niveau un peu moins bon que la WWE, mais bon, comme je l'ai dit, c'est une structure école. Et bien sûr, mon meilleur souvenir, c'est vraiment quand je suis allé voir à la WWE il y a quelques années maintenant, à Paris, à l'Accor Hotel Arena, précisément, lors d'une de leurs tournées mondiales, lors d'un house show, comme tu l'as dit tout à l'heure, Draven. J'ai mis la main au porte-monnaie, hein, parce que pour être bien placé, parce que ça coûte quand même assez cher. Ouais, ouais, ça coûte cher. Bien sûr. Je me souviens que j'étais juste à côté de la rampe, vraiment, les supporters ils entraient, moi j'étais à côté de la rampe. Et je m'en souviens comme si c'était hier, il y avait Bobby Lashley, et c'est vrai que, comme tu l'as dit, il est vachement impressionnant, Roman Reigns aussi, qui est très impressionnant également. Et bien sûr, la meilleure pour la fin, Alexa Bliss, qui était heel, hein, donc méchante à l'époque, c'était vraiment un rêve de gosse qui se réalisait, et je compte bien réitérer tout ça tôt ou tard. Ma mère m'avait fait, alors qu'elle est pas du tout fan de catch, hein, au contraire, m'a fait le plaisir de m'accompagner à Paris, et puis même, je veux dire, limite l'honneur de m'accompagner à Paris, car voilà, c'est quelque chose qu'elle a fait pour moi, mais pour me faire plaisir, et donc pour ça, je la remercie à nouveau. J'ai trouvé ça, c'était un très beau geste de sa part. Voilà, c'est classe, très classe. Du coup, avant de poursuivre, est-ce qu'on lancerait pas une autre pause musicale ? On peut lancer une autre pause musicale. Du coup, je te laisse l'annoncer. Oui. Donc, on va écouter la musique, enfin, une des musiques d'entrée de Shaina, hein, qu'on parlait tout à l'heure, dont on salue la mémoire, qui est décédée il y a... 2016. Voilà, en 2016. C'est son sa quatrième musique d'entrée. C'était à l'époque de l'Attitude Era aussi. Voilà, donc... On reste dans le thème. Voilà, on écoute cette musique d'entrée. On se retrouve juste après pour la suite de cette matinale où on parlera peut-être des jeux vidéo cette fois, si ça vous dit. Ah oui, ouais. Et bah, tout de suite sur Radio Gamozo. Don't treat me like a woman. Don't treat me like a man. Don't treat me like a woman. So much more. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Chris et Jérôme pour vous parler de l'attitude des rats et aussi de tout ce qui va autour de la WWE. Donc on vient d'écouter le theme song de Shayna qui avait une prise de finition assez impressionnante qui s'appelait le Gorilla Press. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est quand elle prenait son adversaire à bout de bras et qu'elle le lâchait à même le sol. Ah oui, c'est vrai. Et voilà. C'est là qu'on remarque la corpulence et la force que Shayna avait pour porter son adversaire. Bon, en général, les femmes, c'était des femmes qui avaient des gabarits beaucoup moins importants qu'elles. Oui. Mais à bout de bras et puis le lâcher comme ça, c'est quand même, faut y aller. Bah ouais. Vas-y, alors du coup j'avais annoncé les jeux vidéo, mais finalement tu m'as dit non, on parle pas de ça, on parle des superstars préférés actuels. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'en fait on a lancé une pause musicale, histoire qu'on se repose un petit peu. Voilà. Oui, bah oui. Donc du coup, vous êtes tous les deux fans de grandes superstars anciennes et actuelles, donc je vous propose, auditeurs, d'écouter ces deux passionnés, à vous les studios et à toi Jérôme. Alors, je vais pas être très long parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, puis ça va pas beaucoup vous surprendre, mais c'est mon favori est un certain Undertaker. Donc voilà, je vais être finalement assez court puisque j'en ai déjà beaucoup parlé. Mais l'Undertaker, en tout cas, ça m'a beaucoup marqué. Moi, je l'ai découvert sur Canal+, hein, quand j'ai découvert le catch en fait sur Canal+ en 1994. Et je crois que l'un des tout premiers matchs en plus que j'ai vu de lui, c'était le fameux match Undertaker versus Undertaker où il y avait deux Undertaker dans le ring. C'était incroyable parce qu'il y avait un vrai Undertaker et un faux, et en gros c'était le match pour décider lequel resterait, quoi. Et c'était complètement dingue. Et à l'époque, moi, je découvrais toute cette mythologie avec l'urne, avec ses cendres, tout ça. Et c'était voilà, il y avait une aura vraiment, ouais, une aura dès le départ. Et de toute façon, on va pas se mentir, hein, je découvre le catch en 94 avec notamment l'Undertaker. Puis après, j'ai perdu de vue ça pendant assez longtemps finalement, parce que là, on parle de l'attitude des rats. Je vais être franc avec vous, moi, l'attitude des rats, je l'ai pas connu en fait. Je me suis remis au catch juste après, à partir de 2004. Ah oui. Et justement, enfin... un tout petit peu avant, pour être franc, mais de façon plus parsemée sur RTL9 à partir de 2002-2003. Donc j'ai connu vraiment juste la toute fin de l'attitude des rats, et je m'y remets par contre de façon beaucoup plus régulière en 2004 quand l'Undertaker revient à WrestleMania 20 justement avec son identité de Deadman, quoi. Donc voilà, donc c'est et j'ai un peu lâché aussi du coup quand il a perdu par exemple un WrestleMania. Donc voilà, c'est vrai que mon attrait pour le catch est très lié à la personnalité de l'Undertaker, c'est assez marrant. Donc voilà, mais je vais pas faire plus long parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, je suis curieux d'en entendre plus à propos des tiens, Chris. Et puis d'ailleurs l'Undertaker dont tu as le t-shirt aujourd'hui. Absolument. Enfin, des t-shirts. Oui. Mais dans l'Undertaker contre le faux Undertaker, je sais plus qui est-ce qui faisait le faux. C'était un mec pas très connu. J'avais trouvé son nom à une époque, mais je crois que c'est un mec qui était pas très connu. Mais c'était bluffant parce que ils avaient la même carrure et les mêmes cheveux, les mêmes fringues, tout, et ça marchait à fond. Et puis surtout, ils avaient les cheveux devant la gueule. Donc du coup, ça marchait à 100%. C'était incroyable. Ils avaient vraiment bien vendu le truc et ça fonctionnait bien, quoi. Et aussi dans ce même délire, Kane et Imposter Kane. Aussi. Et c'est vrai qu'il y a eu ça aussi, ouais, c'était un peu un rappel à ça, ouais. Et Imposter Kane qui était incarné par anciennement Festus, Luke Gallows, c'était la même personne qui faisait le faux Kane. Mm-hmm. Voilà, c'était la petite parenthèse. Il y a aussi Goldberg et Gilbert. Ah oui, bah ça, pas comparable. Ouais, mais c'était trop drôle, Gilbert, c'était la parodie de Goldberg. Oui, Gilbert, c'est le. Tu connais pas Draven? Non, ça me dit rien, Gilbert. Bah, en fait, Gilbert, si tu veux, c'est Goldberg, mais miniature. Ah, beaucoup plus oui. Petit, beaucoup ah, oui, moins d'accord. Fort. Ça y est. Mais voilà, c'était quelqu'un qui se prenait. Fou. Voilà, quelqu'un qui se prenait pour Goldberg alors qu'il n'était pas du tout crédible, mais c'était le but. D'accord. La parodie. Ensuite, on a aussi d'ailleurs des versions miniatures de certaines superstars incarnées par personnes de petite taille. Hein. Ça, c'est déjà arrivé. Sinon, moi, concernant mes idoles, j'en ai déjà parlé également, mais je vais le répéter, ça me dérange absolument pas. Mes grandes idoles avec un grand I sont, bien sûr, Trish Stratus, Alexa Bliss, Saraya, qui se faisait appeler Paige quand elle était du côté de la WWE et qui a repris une partie de son prénom pour, vu qu'elle est du côté de All Elite Wrestling maintenant, elle s'appelle du coup Saraya là-bas, alors que son prénom complet c'est Saraya Jade. Voilà. Et du côté des hommes, hein, Rey Mysterio, bien sûr, qui catch encore aujourd'hui. Incroyable, ça. Ouais. Et qui est vraiment mon idole masculine depuis le départ. Quand j'ai commencé à regarder le catch, j'ai vu un match de lui, j'ai dit, lui, c'est vraiment, en fait, j'ai eu un coup de cœur pour la personne qu'il est, pour le catcheur qu'il est. Bien sûr. Enfin, voilà, c'est un grand homme, alors qu'il fait 1m67, hein. Mais c'est un grand homme, par le talent et par tout ça. J'adore ce mec. Et maintenant, je vais me retourner vers Laura. Parle-nous de tes chouchous et de tes chouchoutes. Bah, avant de parler de ça, je rebondis sur Rey Mysterio. Il a combattu contre des géants, il a combattu contre l'Undertaker, il a combattu contre le Big Show. Et pourtant, il a un tout petit gabarit. Bah, c'est hallucinant, c'est ça qui est fort. Voilà, aussi contre Great Khali, je me souviens d'un match, je sais plus c'était en quelle année, peut-être 2006, il était face à Great Khali, il était face à Fatih, il regardait comme ça, il levait la tête en mode, mais c'était impressionnant, et puis en fait ça lui faisait pas peur, même si les superstars en face faisaient trois têtes de plus que lui, il s'en foutait complètement. Mais en fait il profitait de sa petite taille pour passer entre les jambes, pour faire des choses comme ça, et quand il était plus jeune, parce que maintenant il a 47 ans, donc il commence à se faire vieux pour un catcheur, si on veut, mais quand il était plus jeune, il sautait partout, il voltigeait partout, tout ça, c'était impressionnant, c'est qui m'a vraiment marqué chez lui, et c'est lui qui m'a donné le goût, cet amour pour la lucha libre également. Même si maintenant il voltige encore, mais un peu moins qu'avant parce qu'il a des problèmes de genoux et tout ça. Il fait encore le 619. Ah bah, prise incroyable. 619, c'est sa prise à lui. Oui. Je crois que c'est lui qui l'a inventé, il me semble. Non, c'est il l'a pris d'un catcheur au Mexique, je crois. Ah ouais. On vérifiera après la pause. Voilà, et puis bah, du coup, il y a son fils, Dominique, qui a repris sa prise, même si bon, Dominique, il est un peu moins talentueux que son père. On en parlera dans une prochaine émission. Voilà. Du coup, tes chouchous, Laura. Ah bah, il y aura pas beaucoup de surprises, hein, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, à savoir Lita et les Hardy Boys, surtout quand c'était la Team Extreme. Hein, c'est pas vrai. Eddie Guerrero, dont on salue la mémoire. On aime bien parler des catcheurs morts. Ouais, on aime bien. Ah, j'ai un vrai penchant pour les High Flyers. Hein. Je trouve que ce sont les superstars qui vendent le mieux les prises et les coups. Le fait qu'ils fassent des acrobaties me fascine aussi. Ouais. Parce que comme tu disais, avec Lita qui saute au milieu du ring juste en faisant un salto arrière, c'est dingue. Ouais. Alors j'aime bien aussi Edge, hein, bien qu'il fasse pas partie de mes favoris, mais j'aime beaucoup son style, et surtout qu'en ce moment il est quand même au top, hein, bah bientôt 50 ans. Pour moi c'est un technicien avec quelques prises de high flyer auparavant, ce qui lui portait des drop kicks, je crois. Ah oui, tout à fait. Ah oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Bah quand il faisait équipe avec Christian, c'est vrai qu'ils étaient assez aériens, et d'ailleurs ils se frittaient pas mal aussi avec les Hardy Boys, donc ça marchait bien. Mais oui, c'est vrai que Edge a plusieurs styles, et ça, j'aime beaucoup Edge. Ouais. Tu le préfères en heel ou en face? Je crois que je le préfère en heel parce qu'il le fait vraiment bien. Ça peut vraiment être un sacré salopard. Il a la gueule qui va avec, il peut être insupportable. Enfin, en plus, moi, j'avais connu l'époque où c'était la Rated R Superstar avec Lita, justement, où il était en couple avec Lita. Alors, ça me rappelle que c'était probablement une des pires storylines que j'ai vues, pas à cause d'eux, parce que eux, ils étaient vraiment bien, ça marchait bien en couple et tout, sachant qu'il y avait Matt Hardy. Il y avait Matt Hardy qui s'en était mêlé, du coup, il y avait un triangle amoureux assez dingue et tout, c'était assez fou. Mais par contre, la storyline vraiment pourrie qu'ils avaient fait à cette époque où il y avait Edge et Lita, c'était que ils avaient dit que Lita était enceinte. Ah oui. Et Kane. Et que Kane. Alors je sais plus si c'était Kane qui lui avait fait perdre le bébé ou si c'était un autre gars. C'était Gene Snitsky, hein, ouais. En fait, il y a eu un triangle amoureux dans la storyline là. Je vois laquelle tu parles, avec Kane et Matt Hardy justement. Ouais. Hein. Parce qu'il devait, le perdant c'était le gagnant du match à SummerSlam qui devait se marier avec Lita, et c'est Kane qui a gagné en portant un chokeslam à Matt Hardy. Matt Hardy qui a disparu des écrans parce qu'il a été blessé au genou. Oui. Et après, la storyline s'est poursuivie avec Edge. Lita est devenue heel pour la première fois de son histoire. C'est vrai. Elle a balancé l'alliance dans les toilettes. Oui, je m'en souviens. Avec Edge, donc, et puis il y a une grande rivalité entre Edge et Kane, et c'était bien aussi. Parce qu'il y a eu. Ça, c'était pas mal, ouais. Lita et Edge avaient fait un faux mariage sur le ring. On a entendu la musique d'entrée de Matt Hardy. Ils attendaient tous Matt Hardy, puis finalement, c'est Kane qui arrivait par le dessous du ring. Ils sont barrés, mais c'est le. C'est le curé qui s'est pris un Tombstone Pile Driver. Il a rien compris. Ouais. Je vous déclare mari et femme. Poum. Je m'en souviens. C'était fantastique. Non, ça c'était vraiment top. C'était juste l'histoire du bébé perdu qui était glauque et qui était raté, quoi. Ça c'était naze. Enfin, c'était pas à faire à mon avis. C'était de très mauvais goût. Mais tout le reste était fun, par contre. Ouais. Tout le reste était bien fun. Le mariage, je m'en souviens très bien et tout. C'était excellent. Je me souviens d'une scène entre Edge et Lita. J'ai trouvé ça totalement débile, je crois. C'était il y a un genre de lit sur le ring. Ils sont censés faire des choses. Ouais. Alors que c'est totalement con. Quoi. La live sex celebration. Hors de propos. C'est ça. Ouais, c'est débile. À quoi ça sert? Ouais. Bah, c'est toujours une bonne idée du grand chef McMahon. Ouais, c'est sûr. Elle a dit plus tard, enfin, il y a très récemment, que si elle le faisait pas, elle était virée. Oui, je sais, j'ai vu passer ça. Ça m'étonne pas. Mais c'est totalement con, quoi. Ah ouais. Je veux dire, tu fais ça, ça n'a rien à foutre dans un show de catch, quoi. Bah non, surtout qu'Edge et Lita, c'était d'excellents catcheurs, quoi. Mais donc il n'y avait pas besoin de les mettre en scène dans des trucs aussi bêtes. Je suis d'accord. Enfin bon, c'est. Bref. Puis même John Cena, qui était pris dans la rivalité, pour le coup, il voulait pas. Il disait, bah non, on le fait pas quand même, on n'est pas bien, on n'est pas à l'aise. Même elle dit, mais il y a ma mère qui me regarde. Mmh. Ouais. Ah bon. Non, bah tout ça à cause d'un papy dans l'ombre là-bas qui. Bref, qui a pris des décisions un peu bizarres. Alors, du coup, je vais juste faire un tout petit saut dans l'actualité, hein, à savoir que Edge va faire équipe avec sa femme Beth Phoenix à Elimination Chamber. Qui se déroulera quand, Chris ? Le 18 février, c'est déjà passé du coup à l'heure où cette émission est diffusée. Oui, pour le coup. Voilà, parce que là, on vous ment pas, on enregistre cette émission, on est le 15 février. Hein, donc voilà. Pour nous, c'est dans quelques jours, mais pour vous, à la diffusion, ça a été il y a quelques jours, du coup. Donc, ils affronteront, mais ils affrontent, hein, ils ont affronté même, pour le coup, voilà. Deux membres du Judgment Day, à savoir Rhea Ripley et Finn Bálor. Jérôme, est-ce que tu connais Beth Phoenix ? Ouais, je me souviens très bien de Beth Phoenix, effectivement, à la WWE, notamment parce qu'elle avait une grande rivalité avec une autre de mes favorites, à savoir Melina. Ah oui, pardon. Et ça marchait tellement bien. Et franchement, Beth Phoenix, bon, c'était une assez bonne période, hein, de toute façon, toute cette période. Il y avait Lita, Trish Stratus, Melina et quelques autres. Mais Beth Phoenix, honnêtement, quand elle est arrivée, elle a un peu remonté le niveau. Elle avait une présence physique, waouh, qui était, on sentait qu'elle était pas là pour rigoler du tout et que, elle faisait facilement de l'ombre aux autres, qui étaient pourtant très très bonnes en technique. Mais elle avait une force physique qui était un plus pour elle. Et ouais, je me souviens assez bien de Beth Phoenix, ses débuts, hein, parce que ça fait longtemps que je suis plus trop où ils en sont. Ah, si c'était possible, ça aurait pu faire un beau match contre China, du fait qu'elles avaient à peu près le même style de... Un peu, c'est vrai, ouais, ça aurait pu, ouais. Melina, franchement, ça aurait été impressionnant. Melina, qui est également une de mes grandes favorites aussi depuis le départ. Merci. Voilà, c'est pour ça que vous m'avez entendument enflammé, en mode, ah oui, parce que c'est vraiment... c'est également une de mes catcheuses préférées. Ah, elle était géniale. Oh, ouais, surtout aussi, j'aimais beaucoup... à côté dans la team M&M avec John Morrison et Joey Mercury, ouais. À l'époque, elle était super, elle était très talentueuse. Elle a même été en couple avec John Morrison, je crois. Oui, il me semble. Oui. Ouais. Voilà. Donc voilà, Melina, c'était. Je vous avoue qu'elle m'a pas marqué, moi. Ah, moi, je me souviens d'elle qu'en tant que manageuse, mais par curiosité, je regarderais ses matchs. Ah, elle était talentueuse. Hein. Pour vous faire plaisir. Non, tu tapes Melina ou Melina Perez sur YouTube et puis tu peux trouver de ses matchs très talentueuse. Et puis avec ça, un peu son entrée en mode photographe paparazzi. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis elle était heel, hein, clairement. Ah, elle était détestable à souhait, mais ça marchait bien parce qu'elle, dans le ring, elle se débrouillait vraiment très très bien. Quoi. Mmh. Il y avait. Elle avait aussi une rivalité avec une autre catcheuse que j'adorais, mais dont le nom m'échappe totalement, là, c'est dommage. Victoria, si voilà. Victoria. J'y ai pensé, on est connectés. Ouais. Et franchement, il y avait vraiment des très très bons matchs, quoi. Ouais. Mais voilà, mais toutes ces catcheuses étaient très bonnes, mais franchement, Beth Phoenix, quand elle a débuté, waouh, on a senti qu'il y avait. Elle faisait flipper, quoi. Il y avait un niveau au-dessus, quoi. Elle aussi qui a participé à un Royal Rumble match masculin il y a quelques années maintenant et qui va faire son retour sur le ring, comme tu l'as dit, Laura. C'est dingue. Enfin, qui a fait son retour sur le ring, comme nous l'avons dit. On va y arriver. Lors de Elimination Chamber face à Rhea Ripley et Finn Bálor. À Rhea Ripley, à savoir, Jérôme, que si tu regardes sur YouTube, tu vas voir qu'elle est aussi forte que Beth Phoenix. Ouais, elle a gagné en musculature, je trouve. Ouais, bah, en fait, plus elle est avec Buddy Matthews en même temps. Oui, bah oui. Et ils font de la muscu ensemble. Voilà, ils font de la muscu ensemble. Et puis, depuis ses débuts, là, du coup, maintenant, elle est heel. Et c'est vrai, niveau corpulence et tout, tu vois que la dame, faut pas l'embêter, quoi. Elle n'est pas là pour enfiler des perles. C'est ça. En effet, je confirme, je suis en train de regarder des photos. Alors, je l'avais déjà repéré parce que des fois, je vois passer des trucs du catch, mais je ne suis plus ça de près du tout. Mais bon, bah, son style visuel m'a intrigué parce que dès que c'est dans les couleurs sombres et un peu gothique, forcément, je me dis, ah, je pense que si j'étais encore à fond dans le catch, j'aimerais beaucoup. Mais ouais, Rhea Ripley, ça a l'air d'être... C'est waouh, c'est une sacrée bestiole aussi, hein. Elle est sacrément baraque, hein. C'est impressionnant. Très talentueuse également. Ouais. Est-ce qu'on la mettrait dans les techniciennes ou dans les brawlers ? Oh, dans les deux, je pense. Hein. C'est vrai ? Ah, ouais, parce qu'elle est assez pas violente, mais si, on peut le dire. Elle est assez violente et puis elle est très technique, prise de soumission, mais peut-être plus dans Brawler que dans technicienne. Mm-hmm. Mais voilà, c'est vraiment une catcheuse. Faut pas l'embêter, quoi. Tu la mets face à un mec, elle pourrait tenir la route facilement. D'accord. Bah, Luke Gallows, hein, lui a porté un... Ah, mince, je sais plus le nom de la prise. Pas un slam, c'est, tu sais, quand elle le soulève et ouf, elle le retourne comme ça. D'accord. Non, je vois pas, non. Je vois pas ce que tu veux dire. Purée, quand je me rappellerai de la prise, on regardera après la pause. Bien sûr. Du coup, est-ce qu'on se lancerait pas dans les jeux vidéo, pour le coup? Let's go. Ah, c'est à moi? Attends. Parce qu'on avait préparé une pause musicale, mais du coup, on en a déjà fini. La pause musicale, on peut mettre celle de Jérôme, que tu nous as soumise, si tu veux. Si vous voulez. Voilà. Est-ce que tu... Bah, je vais te poser la question. Est-ce que tu te souviens de ton choix? Oui, bien sûr. Vas-y. Oui, bon, après, j'ai pas été chercher très loin, hein. Ça a été un choix facile parce que c'est un des thèmes que j'ai le plus écouté. C'est le thème d'entrée de Triple H, The Game. Ouais. Par le groupe Motorhead, comme je suis à côté de ça énormément fan de Motorhead, bah là c'est vraiment un bon morceau, même s'il est un peu répétitif, mais tous les thèmes d'entrée le sont. Oui. Mais celui-là, voilà, je trouve qu'il a un super riff, et franchement l'entrée de Triple H, qui à une époque était une des plus longues, hein, ça pouvait durer très très très longtemps. Franchement, le temps qu'il arrive avec sa bouteille, qu'il fasse le tour, qu'il boive, qu'il crache, qu'il machin, ça prenait un sacré temps, et il avait fait jouer Motorhead, je crois deux fois à WrestleMania, en live pour de vrai pendant son entrée, c'était incroyable, quoi. Et donc voilà, ce thème reste à tout jamais un de mes préférés. The Game. Et ben on s'écoute ça. Et dans les WrestleMania, ils faisaient des entrées de folie. Oui, bien sûr. Ah, bah oui. Ah ouais, il y avait des trucs de dingue, il y avait des mises en scène de ouf. Il y avait Triple H avait fait une fois une entrée à la mode Conan le Barbare, qui était justement, en plus ils avaient fait un nouveau thème King of Kings par Motorhead encore, mais c'était, ça marchait du tonnerre. Il y avait franchement, il y avait des mises en scène de fou. Je suis d'accord. Time to play the game. Time to play the game. It's all about the game and how you play it. All about control. And if you can take it, all about your debt. And if you can pay it, it's all about pain. And who's gonna make it? I am the game, you don't wanna play me. I am control, no way you can shake me. I am heavy debt, no way you can pay me. I am the pain, and I know you can't take me. Look over your shoulder, ready to run like a craven bitch from a smoking gun. I am the game, and I make the rules. So move on out, you can die like a fool. Try to figure out what my mood's gonna be. Come on over, sucker, why don't you ask me? Don't you forget there's a price you can pay. Cause I am the game and I want to play. We'll be right back. Nous sommes de retour sur le 107 et vous venez d'écouter Try to play the game. Ah, tu voulais le faire celui-là. Ah, ça me démangeait. Il m'a coupé le micro avant la pause musicale, fallait que je le fasse. Donc vous venez d'écouter Motorhead avec le theme song de Triple H, Try to play the game. Non, la chanson c'est The Game. The Game, ouais. Une musique qui déménage plutôt bien, hein, ouais. J'adore. Ouais. Ça met une ambiance de folie. Bah, tu m'étonnes. Vous êtes toujours sur RGM pour la 4e édition de Radio Catch en compagnie de Jérôme. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission. Et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet Radio Line ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Et si on parlait maintenant de la WWE dans les jeux vidéo ? Alors les premiers jeux sont sortis dans les années 80, les graphismes ont laissé à désirer, c'était des jeux un peu arcade, des choses comme ça quoi. Donc vous voyez un peu le jeu Minecraft, un peu tout claqué au sol, bah, c'était à peu près pareil. Hein. Bah, chaque époque a, voilà, a son évolution. Ouais, bien sûr. Quand tu regardes maintenant, tu dis... Oui, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Donc nous allons commencer par parler des premiers jeux vidéo potables, hein, visuellement. On va laisser la parole à Jérôme puisqu'il va nous, il va nous parler du premier volet de SmackDown vs Raw qui est sorti en 2004. Sur quelle console est-ce que tu jouais déjà ? Bah, les SmackDown vs Raw, ouais, de mémoire, c'était sur Wii et sur PlayStation. Et alors je peux pas jurer que j'ai rejoué au tout premier, mais c'est vrai que j'ai joué à un sacré paquet de SmackDown vs Raw parce que avec mon cousin, j'en parlais tout à l'heure, on était tous les deux à fond dedans. Et mais moi j'avais pas de Play en fait, lui il avait la Play et moi j'avais une GameCube. Donc lui il avait les SmackDown vs Raw et effectivement on y passait des heures, on faisait plein de matchs, on recréait des matchs de légende aussi parce que c'est un des trucs les plus fun aussi que tu peux faire dans les jeux vidéo. Et donc sur sa PlayStation chez lui et moi chez moi sur GameCube, j'avais d'autres jeux. Alors il y avait bon, il y avait WrestleMania, ils avaient sorti WrestleMania 18 et 19 qui étaient corrects mais pas ouf. Mais après ils avaient sorti deux autres jeux qui étaient qui s'appelaient Day of Reckoning 1 et 2 qui étaient très proches, hein, visuellement des SmackDown vs Raw et que moi-même je préférais en termes de gameplay à SmackDown vs Raw. Donc voilà, j'ai joué comme ça à Day of Reckoning 1 et 2 de sûr, beaucoup, énormément sur GameCube et puis ouais les SmackDown vs Raw sur PlayStation. En fait chaque année ils en sortaient un nouveau, donc on avait le roster qui était mis à jour, on avait parfois des personnages bonus qui étaient un peu des, bah, des Hall of Famers justement, des anciens. On avait un mode scénario qui était un peu différent à chaque fois aussi, c'était parce que c'était presque ça le plus grand attrait finalement, la vraie grosse différence d'une année sur l'autre. Parfois ils rajoutaient une petite fonction ou deux, mais sinon c'était le mode histoire en fait qui était modifié. J'ai vraiment passé des heures et des heures et des heures sur ces jeux, aussi bien tout seul qu'avec mon cousin, à faire des matchs complètement dingues, à faire des trucs presque aussi palpitants que des pay-per-view quoi, avec des rebondissements de dingue. Après Chris, je sais pas, tu me diras ce que t'en penses, mais à force de jouer à ces jeux, par contre, au bout d'un moment, on était tellement fort que jouer contre l'ordinateur n'avait plus aucun intérêt. Même si on mettait en difficulté extrême, on les pliait, mais comme à rien, parce que en fait, tout le jeu finalement reposait sur les contres. En gros, si tu maîtrisais les contres, tu faisais ce que tu voulais, tu te promenais dans les matchs, et en fait, c'était ça qui faisait toute la différence, et tu pouvais vraiment faire ce que tu voulais de ton adversaire du moment que en fait. En fait, entre mon cousin et moi, d'ailleurs, quand j'y pense, hein, on avait vraiment un très très bon niveau tous les deux, et c'était très difficile en fait de nous départager. C'est pour ça qu'on y passait des plombes et qu'on en refaisait encore et encore et encore, parce que c'était vraiment des matchs palpitants de ouf. Parce qu'en gros, c'était celui qui ratait un contre qui perdait, en gros. Mais pour voilà, pour je sais pas, pour 50 contre réussis, on en ratait un ou deux, et c'était ça qui était décisif dans le match. Donc voilà, mais c'est voilà, c'est moi, c'est des super expériences. Et alors, je parle même pas des heures que j'ai passé à créer des personnages. Ah oui. Alors là, mais des heures et des heures et des heures et des heures. J'allais même récupérer des plans, si on peut dire ça comme ça, sur le net. Donc je tapais KAW, C-A-W, Create a Wrestler, et puis je mettais des noms de personnages, et puis on pouvait trouver des trucs de ouf. On pouvait recréer comme ça des persos, soit des vrais catcheurs légendaires mais qui n'étaient pas inclus dans le jeu, soit même créer des personnages complètement délirants. Je sais qu'il y en avait qui faisaient des, je sais pas, des personnages de films, oui, qui faisaient des personnages de dessins animés. On arrivait à refaire des tas de trucs de ouf, et on s'amusait bien avec ça. Voilà, moi, c'est ça mon expérience avec ces jeux vidéo. En tout cas, c'est des super souvenirs. Le dernier que j'ai acheté, c'est et je crois que c'est un peu le seul que j'ai acheté de cette série là C'est le 2K14, donc le 2014, donc voilà, ça fait un moment que je joue plus. Et pourquoi j'avais acheté le WWE 2K14? Parce que il avait un mode WrestleMania où on pouvait refaire tous les matchs légendaires de l'histoire de WrestleMania. Ouais, je l'ai aussi. Et franchement, rien que pour ça, je le regrette pas. Et pareil, hein, j'ai aussi passé un temps fou à recréer des persos et tout. Mais voilà, mais j'ai passé beaucoup de temps sur les jeux vidéo de catch et j'ai adoré ça. Et c'est vrai qu'il a fallu la 3D pour que ces jeux deviennent intéressants parce que, on va être franc, moi je suis de la génération Super Nintendo, c'était ma console phare quand j'étais ado, mais les jeux de catch de cette époque-là, c'était quand même pas ouf, on va pas se mentir, quoi. C'était quand même beaucoup moins bien. C'est vrai, non mais je rebondis sur ce que tu disais au niveau du niveau de jeu. Moi c'est vrai que j'ai également énormément joué, même beaucoup trop j'ai envie de dire, et c'est vrai que je maîtrisais quasiment tous les contres, donc c'est limite les matchs après devenaient ennuyants parce que j'étais sûr que j'allais gagner, parce que je savais comment contrer, je savais quoi faire pour battre mon adversaire. Et donc c'est vrai que c'était un petit peu ennuyant, mais par passion et tout ça, je continuais à jouer pour essayer aussi rapporter des nouvelles choses, donc en créant des personnages, que comme tu dis, dans le mode création, il y avait la création du personnage, la création de la liste de coups, on pouvait même créer les finishers à l'époque, créer les entrées, créer les arènes. Donc c'est sûr que ça prend énormément de temps. Les scénarios aussi. Les scénarios. Donc ça prend énormément de temps. Je me souviens, il y a une fonctionnalité qui s'appelle le mode univers dans les jeux comme ça. Et j'avais créé un show entièrement avec des superstars, des légendes. En fait, que des shows que des légendes. Comme ça, je pouvais jouer avec des catcheurs légendaires, soit que j'ai pris dans la communauté, les créations, ou alors ceux qui étaient disponibles dans le jeu. C'était, voilà. Donc rien que ça prend énormément de temps, mais c'était un plaisir d'y jouer après, mais finalement, vu que quand ils sont sortis, je sais plus en quelle année, on en parle un peu plus tard, sur les nouvelles consoles, Xbox One, tout ça, et vu que je les ai pas, j'ai dû arrêter par obligation de jouer. Mais voilà, moi, je me souviens, le premier jeu de catch auquel j'ai joué, c'était en 2009. C'était le SmackDown vs Raw 2010, sur Wii. On me l'avait offert pour Noël. Et dans ce jeu, par contre, les dialogues, ils étaient en français. Alors que dans les autres jeux, je crois qu'ils étaient en anglais. Tu pourras nous en parler un petit peu, Laura, tout à l'heure. Je me souviens encore du personnage que j'avais créé et à quoi il ressemblait. À quoi, du coup? En fait, c'était un personnage avec une musculature beaucoup trop abusée, les cheveux coiffés en arrière vert avec un pantalon en style Amérique, mais orange et bleu, enfin voilà. Ok, excellent. Je l'avais appelé Christo, voilà. Original. Quel type de combat? Flyer, High Flyer, naturellement. C'est étonnant. Voilà. Et je m'étais même inventé une histoire dans ma tête. Pour moi, le personnage, il était entraîné par Rey Mysterio, enfin voilà, c'était impressionnant, quoi. Comme je disais à l'époque, on pouvait créer notre prise de finition. J'avais donné une prise totalement impossible à faire en vrai. Ensuite, les années qui ont suivi, j'avais chaque nouveau jeu à chaque Noël sur Xbox 360 jusqu'au moment où les jeux, comme je l'ai dit, ne sortaient plus sur console, jusqu'à du coup le 2017. Après, c'était sur Xbox One, tout ça que j'ai pas. À savoir que j'ai également le jeu TNA Impact sur 360. Okay. C'est un jeu qui est concentré du coup sur la TNA qui est maintenant Impact Wrestling. Donc forcément à ce moment-là j'ai dû arrêter car je n'avais pas les moyens de m'acheter une console nouvelle génération. Et puis même aujourd'hui j'ai peut-être les moyens mais j'ai plus le temps. Donc malheureusement je dois faire des classique. Choix. Et voilà, c'était. Du coup la prise de finition qui était impossible à faire, est-ce que tu peux dire à Jérôme ce que c'était? Parce que moi j'ai bien ri. Ah bon? Oui. En fait c'était une prise depuis le troisième coin. Mon personnage, j'ai sauté, il commençait en faisant un salto avant, puis en l'air il se retournait, il faisait un salto arrière. Quoi? Il adressait les pieds en premier sur l'abdomen du catcheur. Oh la vache. Voilà, non mais c'était totalement impossible, mais c'était ça. C'était sa petite prise à lui. Trop bien. Voilà, c'était un petit délire à l'époque. Je m'en foutais du réalisme en fait. Oui, bien sûr. Je voulais juste faire quelque chose qui me plaisait. Et puis voilà. Et puis après j'ai créé des personnages et des personnages dans un seul et même jeu. Je me souviens, dans certains jeux, je pouvais avoir 10 personnages que j'ai créés moi-même, quoi. Ah ouais. Avec les personnages féminins, les personnages masculins, des bonhommes, des petits, des grands, des musclés, des pas musclés. Enfin bref, c'était un délire total. Et toi, Jérôme, tu crées quoi comme type de combat pour tes combattants? Oh, moi, pur brawler. Alors, je vais pas mentir, hein. De toute façon, c'était une décalque de l'Undertaker. ça ressemblait presque même encore plus à Diesel, Kevin Nash. Parce que Diesel, c'était mon autre perso préféré quand j'avais découvert le catch. C'était l'Undertaker et Diesel. Donc, deux mecs gigantesque, très très grand, avec les cheveux longs et une barbe. Hein, je sais pas, voilà. C'est comme quoi, et le pire, quand j'ai découvert tout ça, moi-même, bah, j'étais tout minot, j'avais 14 ans devant la télé, jamais je pensais que je deviendrais si grand, que j'aurais les cheveux si longs, et j'aurais de la barbe. C'est ça qui est assez ouf. Et c'était un grand mec avec les cheveux longs et une barbe, avec la plupart des coups de l'Undertaker en pleine. C'est pas que je me foulais pas, il y en avait d'autres, disons. Il y en avait d'autres que je créais pour m'amuser, mais je jouais très peu avec. Et c'était Draven. Je me créais un Draven et qui était le disciple de l'Undertaker, qui était habillé tout en noir et tout. Mais voilà, ça m'éclatait. Le temps que j'ai pu passer là-dessus, c'était trop bien. Mais depuis quelques années, je crois que tu peux te prendre en photo et mettre ta tête dessus. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas non plus. Mais... Ouais. Et puis rien que ce qui était le plus long à faire, c'était la liste de coups parce qu'il y a tellement de choses. Oh là là, debout, entrée dans le ring, sortie du ring, Je confirme. Couché. J'ai le 22 là, je vais bientôt avoir le 23. Je sens que je vais passer plus de temps à créer le jeu que le joueur que faire le scénar en fait. Tu m'étonnes. Ouais. Et voilà. Et puis le mode univers, c'était aussi à l'époque, t'avais le mode Road to WrestleMania. C'était limite le mode carrière en fait. J'adorais ça. C'est dommage qu'ils l'ont enlevé. Ouais, ils l'ont remplacé par je sais pas quoi. Bah, il y a pas eu de remplacement. Ils l'ont enlevé. C'était le mode histoire du jeu en fait, avec un personnage soit imposé ou alors ton personnage à toi, et tu pouvais il avait des combats, il suivait un scénario, il obéissait à quelqu'un ou alors il était gentil face ou alors méchant heel. Voilà, c'est un peu oui, je sais pas, ils l'ont enlevé, je sais pas pourquoi, pourtant c'était sympa, mais bon. Il y avait, je sais plus, c'était le 2010, t'as fait le What to WrestleMania, t'avais Jericho, je sais plus, il y avait plusieurs catcheurs et chaque joueur avait une histoire différente. Ah, il y en avait un, c'était avec Triple H et Sheamus. Ouais. Et il y a Sheamus qui s'était associé avec William Regal, Wade Barrett, etc. C'était une équipe du Royaume-Uni. À la fin du scénario, il y a Sheamus qui a toutes les ceintures possibles et inimaginables, chose qui est impossible dans la vie. Il y a un spot où il y a Triple Edge qui arrive et qui le met dans la lumière, qui le pose, le truc, il explose. Ouais, c'était... incroyable. Des bons souvenirs. Mais du coup, Laura, toi, au niveau de tes jeux... Bah, pendant longtemps, les jeux étaient entièrement sous-titrés en anglais, et comme vous avez pu le constater, je suis parfaitement bilingue. Bien sûr. Alors, pour les experts comme moi, je comprenais rien à l'histoire. Chaque choix est influencé sur le scénario, et comme je comprenais pas, je choisissais au hasard. Donc, du coup, j'étais assez déçue de l'histoire, mais je dis, mais ça n'a aucun sens. Bah oui, t'as juste pas fait le bon choix, meuf, en fait. Alors moi, pour ma part, j'ai joué sur les PlayStation, à savoir la 2, la 3 et la 4. J'ai les jeux SmackDown vs Raw 2008, 2009, 2010. C'était encore les jeux faits par THQ. J'ai mis le 12, mais je crois que c'était encore par THQ aussi, et le 14 aussi, il me semble. Puis c'est passé à l'ère 2K, à savoir que j'ai eu le 2K16, 18, 19, 20, le 22, et j'attends le 23. Et toi, Jérôme, est-ce que tu as eu d'autres jeux de catch ? Non, vraiment, c'était les Day of Reckoning sur GameCube, dont on parle beaucoup moins, qui sont beaucoup moins connus que les SmackDown vs Raw, alors que ils étaient vraiment cool, quoi. Ils étaient vraiment sympas. Et honnêtement, ça fait des années que j'y ai pas joué. Je pense que là, si j'y réessayais, le dernier que j'ai, le 2K14 sur la Play 3, je pense que je me prendrais une grosse tôle direct, quoi. Je veux dire, alors que justement, l'une des raisons pour lesquelles j'avais fini par arrêter d'y jouer, c'est parce qu'il y avait comme disait Chris, il n'y avait plus de suspense en fait. Je veux dire, quand tu maîtrises un peu les contres, ça va tout seul en fait, tu fais absolument ce que tu veux dans le jeu. Mais en tout cas, ça reste une période géniale pour moi. J'ai pas mal vécu aussi ma passion après des années, si tu veux, à rattraper tous les grands matchs légendaires en vidéo. Effectivement, après j'ai eu une deuxième période où je les revivais dans les jeux, où je les refaisais dans les jeux. D'ailleurs, des fois avec mon cousin, je sais qu'on passait des plombes à faire par exemple, dans chaque SmackDown vs Raw, on faisait un Hell in a Cell avec Mankind contre l'Undertaker, qu'on créait nous-mêmes si jamais ils n'étaient pas dans le jeu. Déjà, ça prenait un temps fou. Et on essayait de monter sur la cage et de balancer Mankind depuis le haut de la cage. Et il y avait des jeux où c'était pas possible, en fait. La fonction n'existait pas. Donc, bref, on essayait de recréer les moments qu'on préférait, quoi. C'était génial. C'est vrai, on avait une grande liberté de mouvement et on pouvait même du coup casser la cage du Hell in a Cell. Ah oui, on pouvait faire des trucs de fou. C'était un endroit particulier, on pouvait faire qu'un seul endroit. Puis du coup, il y avait un moment oh my god qu'on appelle ça. On peut encore le faire. Oui, après moi je sais pas, j'y peux plus jouer. Je te dis, tu peux aussi pousser l'adversaire contre la barricade, plus trop dans le 22. Il y a, tu sais, Sami Zayn quand il passe sous le ring et puis qui fait un, je sais plus la prise. Oui, je vois qu'il passe à côté du poteau, en dessous de la première corde, il y a un genre de DDT. Voilà, c'est ça. Oui, bah ça, bah ça, ça, c'est un moment, oh my god, mais voilà. Ça, c'était dans le 2020. Oui, bah ça, je crois même que c'était avant 2020, parce que moi, je crois que j'ai pu le faire, ça aussi. Non, ça s'est arrêté en 2020, je veux dire. Ah oui, ça s'arrête. Parce que dans le 2022, il y est plus. T'avais les moments, oh my gosh, sur le haut de l'échelle, où tu pouvais porter un RKO, un Shock Slam, un Attitude Adjustment. Bon, je veux pas faire toutes les prises, hein, mais... Non, mais on a compris l'idée. Alors du coup, je t'en donne la parole, parce que je crois que tu as quelque chose à nous dire. C'est au niveau du gameplay. Au niveau du gameplay, en effet. Donc le gameplay qu'on peut traduire par jouabilité, hein. Au fur et à mesure des opus, le gameplay évoluait, bien que sur quelques jeux, il était similaire à l'opus précédent, on va pas se mentir. Oui, oui. Dans certains jeux, de nouvelles touches servaient à faire de nouvelles choses, ou alors certains coups ou certaines prises ont changé de touche, on sait pas pourquoi. Voilà, pour faire un mouvement, c'était une... avant il suffisait juste d'appuyer sur un bouton, après ça s'est transformé en un combo de deux boutons en même temps, je sais pas, bref. C'est vrai. Et donc, par contre, comme je l'ai dit juste avant, je crois que dans les nouveaux jeux, nous ne pouvons plus créer de prise de finition de notre superstar. Ah. Et c'est bien dommage. Mmh. Oh, depuis un certain temps, ouais. C'est vrai, je ne saurais pas dire lequel, mais... C'est bien dommage. Ah, depuis l'air 2K, il me semble. Ouais, t'étais dans le menu, je me souviens, dans le menu, t'avais un bonhomme tout rouge, un bonhomme tout vert, et puis tu choisissais le mouvement à faire, et puis en gros, ça montrait à l'image, et puis tu mettais les mouvements bout à bout, et ça faisait un truc totalement incongru. Mais ça, apparemment, on ne peut plus le faire. Ok, dommage. Ouais, c'est chiant. Bah, y avait un mode aussi, c'était faire mon scénario qui a été supprimé, qui était bien aussi, c'est dommage. Dans le 14, il y était encore, je crois. Parce que je suis un YouTuber, il avait fait ça aussi, il avait fait un scénario, et les gens étaient vachement hypés quand ils regardaient l'histoire sur sa chaîne. Oui, bah après, je pense qu'il faut s'y connaître pour faire une bonne histoire, tout ça, pour que ce soit intéressant, quoi. Mais ouais, je sais pas, ils ont enlevé des choses, on sait pas pourquoi, ils ont rajouté des choses, on sait pas pourquoi non plus, enfin, c'est... C'est la WWE, c'est mystère. Oh, c'est un peu dommage, quoi. Ouais. Depuis WWE 2K20, nous pouvons créer deux personnages en mode carrière, à savoir un masculin et une féminin. C'est une horreur aujourd'hui, j'ai un mal de chien à parler. Depuis WWE 2K20, nous pouvons créer deux personnages en mode carrière, à savoir un homme et une femme, ce qui était une première, car avant, ce n'était que des carrières masculines. Mmh. Heureusement, la WWE a attendu un an et demi pour sortir le 22, parce que au niveau visuel, c'était une catastrophe. Ah ouais. Là, le 2022 est beaucoup plus travaillé, que ce soit au niveau du réalisme ou de la résolution des bugs. Bah, par exemple, un bug, t'as un match de table, tu fais tomber quelqu'un sur la table, elle disparaît. Oula, ah oui, c'est du gros bug quand même. Ah ouais, en effet, à la vache. Ouais, ok. Puis ils ont fait des graphismes beaucoup plus travaillés. Maintenant, quand tu tapes ton adversaire, il a la baffe qui part et tout. Le son est un peu moins bien fait qu'avant, quand même. Parce qu'avant, c'était vraiment proche du réaliste, que maintenant, c'est comme si c'était juste entaillé un tout petit peu le front. Faut vraiment bien le défoncer pour que ça saigne bien, quoi. Néanmoins, ce que je reproche, hein, c'est que le gameplay change souvent, comme on l'a dit tout à l'heure. Et bah, du coup, moi, tous les ans, il faut que j'aille dans le menu entrée pour savoir comment porter les coups de mon adversaire. À savoir qu'actuellement, par exemple, tu cours avec R2, après tu lances ton adversaire avec rond, tu le fais soulever avec L1, puis après tu portes une finition avec L2, croix, ou alors tu fais ton coup spécial avec R2, carré. Voilà. Ça, alors qu'avant, c'était juste le bouton triangle, le bouton Y, quoi. Où t'avais aussi les joysticks pour courir, etc. Oui. Ouais, je vous jure, mais tous les ans, c'est une catastrophe, quoi. Bah, j'espère que cette année, ils vont pas trop changer. Et bah, tu nous le diras. Voilà, je vous le dirai, parce que je vais l'avoir mi-mars. Voilà, donc on verra si j'ai le temps d'y jouer ou pas. Parce que le nouveau jeu, il sort justement le mois prochain. Ouais. Au mois de mars. Il y a 3 éditions et j'ai pris celle du milieu. Ouais. Oui, parce que la dernière, elle a 110 balles, quoi. Oui, l'édition normale, l'édition... Premium et Deluxe, ou Deluxe et Premium ou... Non, c'est en fait, t'as la version normale, t'as la version Deluxe et la version Icon. À savoir que la version Icon, tu payes plus cher, tout ça pour avoir Batista des années 2002, Randy Orton en 2002, et Batista avec son ancien gimmick de Thugonomic Doctor. Docteur Thugonomic, c'est non, c'était John Cena. Ah, Cena, ouais, John Cena. Voilà, en fait, c'est lui la star de cette année. Voilà. Ah bon, d'accord. Après, cela dit, t'es pas obligé de. Tu vas dans la création de la communauté, il y en aura bien qui vont le créer, quoi, les bonhommes comme ça. Oui, oui. Les personnages comme ça, en mode Dr. Thugonomics ou Batista 2012, je sais pas quoi. Ah, même pas. Ils vont certainement le mettre dans le DLC. Il faudra que tu payes. C'est souvent comme ça. C'est qu'en fait, ils font des packs DLC, à savoir, genre, cette année, c'était les Samoans. T'avais Yokozuna, t'avais Umaga. Trop après, voilà. Mais tout est fait pour être payé. Ah, et voilà. Bah, si tu veux le roster complet aussi, il faut que tu fasses plein, plein de matchs pour gagner des VC. Bah, c'est du tryhard, quoi, comme on dit dans le monde du jeu vidéo. C'est, tu joues, tu joues, tu joues, et puis. Par contre, dans la précommande, t'as certains avantages. T'as genre dans le boost dans ma carrière où t'as des VC d'avance, donc tu peux un peu augmenter ton personnage parce qu'au début t'as 65, tu te fais laminer, mais un truc de fou. Oui, bah oui. Bon, tu peux le monter un peu à 80 quand même. Bon, tu te fais un peu laminer, mais t'arrives à riposter. Okay. Il y a certains modes qui sont revenus récemment à la plus grande joie des fans, hein, comme le MyGM. En fait, c'est toi qui gères le show. Et tu es en guerre contre les autres managers. Ouais. Donc les managers actuels, c'est Pierce. Il y avait Sonya Deville dans le 2022 et William Regal. William Regal. Voilà, tout à fait. D'accord, d'accord. Pas certains fans, hein, dont toi, Chris, aimeraient voir revenir le mode Road to WrestleMania. Oui. Nous attendons, nous trois compris, les commentaires de Christophe Ajus et Philippe Chirot. Chose qui est quasiment impossible à faire, hein, parce que ça voudrait dire que les développeurs du jeu devraient traduire dans toutes les langues. Ouais, très compliqué. Ça serait trop dommage. T'imagines, tu joues au jeu et par-dessus la troisième corde. Ah, oui. Ouais, bah, après, je sais pas comment ils mettraient ça en place, quoi. Parce que ça doit représenter quand même du boulot de faire... C'est un taf énorme. Ouais, d'en faire tous les commentaires. C'est des heures et des heures d'enregistrement, ouais. Avec tous les catcheurs, parce que par exemple, si tu joues avec, je sais pas, j'en sais rien, John Cena, et puis que Christophe Ajus, il l'appelle Randy Orton, tu vois, faut bien qu'il refasse tous les commentaires et tout, donc c'est, ça représente énormément de boulot, et puis je suis pas sûr que Christophe Ajus et Philippe Chirot, elles tentent de le faire non plus. Donc, mais bon, c'est vrai que ça serait bien, dans un monde idéal. Ouais, c'est ça. Puis en version originale, dans le 2022, je fais que des stars masculines, mais tu peux faire une star féminine. T'as quatre types de scénarios. Soit t'es un ancien athlète, soit t'es un ancien membre du MMA, soit t'es un acteur, soit t'es un ancien catcheur indé. Ouais. Et chaque chose est différente. T'as plusieurs scénarios différents. Bah, y a plusieurs histoires qui reviennent dedans, mais t'as des quêtes qui diffèrent en fonction de la carrière précédente que t'as choisie, quoi. Okay. Genre, avant t'étais acteur, bah tu vas te battre contre The Miz. Ouais, bien sûr. T'étais un ancien joueur de football, tu vas te battre contre Apollo Crews parce que c'est un ancien joueur de football américain. En indé, tu vas te battre contre Randy Orton parce qu'il aime pas les catcheurs indépendants, dans le jeu en tout cas. Donc du coup, Jérôme, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on se lance dans une prochaine pause musicale ? Non, on a bien fait le tour des jeux là, je crois. C'est cool. Ouais, moi je pense aussi qu'on a bien, bien développé les jeux. Ah, du coup, je laisse Chris dire ce qu'on va écouter. Voilà. C'est une pause musicale qui fera plaisir à Jérôme et à moi. Oui. Voilà, pour votre plus grand plaisir, on va écouter la musique d'entrée de Lita, interprétée par Boy It's Cars et leur morceau Love, Fury, Passion, Energy. Voilà, c'est la musique d'entrée de Lita, une chanson aussi que j'aime beaucoup personnellement, même si Lita c'est pas ma catcheuse préférée, mais ça c'est un de mes morceaux préférés. Tu sors. Non. Maintenant, faut que je fasse la technique. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, à tout de suite sur Radio Gamozo. So go let your soul dance, baby. Time to free yourself at last. Unshackle your life spirit. Fly away far from the past. Cause it's gone. Like a lost flower blowing with mad wind, like a sad river who has no end. So fuck your rules, man, cause here comes my love. So fuck your rules, man, here comes pure energy. So fuck your rules, man, cause here comes my theory. So fuck your rules, man. So fuck your rules, man. So fuck your rules, man. So fuck your rules, man. So fuck your rules, man. You step up, you'll go down fast. I've got to release all the shit that has made up my past. So go let your soul dance, baby. Time to free yourself at last. Unshackle your life spirit. Fly away far from the past. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107, vous venez d'écouter Boy It's Cars et leur morceau Love, Fury, Passion, Energy, la musique d'entrée de Lita, la catcheuse préférée de mes co-animateurs aujourd'hui, Draven et Laura. Voilà, écoutez, bienvenue sur le 107, sur l'application Les Radios Associatives ou sur notre site internet https://radiogamozo.radio-website.com/. Je connais l'adresse par cœur. Youpi. À force de la dire tous les matins, tu me diras dans la matinale. Voilà. Eh ben, écoutez, on est de retour et je vous propose maintenant de parler des produits dérivés. Qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus, Jérôme ? Effectivement, quand je m'étais remis au catch, donc à partir de 2004, rapidement, j'ai voulu avoir quelques produits dérivés. Et c'est vrai que déjà à l'époque, la WWE avait un site internet avec plein de produits dérivés. Et notamment donc, le t-shirt que je porte là sur moi, hein, le fameux t-shirt du retour de l'Undertaker à WrestleMania 20. Mais donc j'avais voulu le commander, mais il faut savoir que, et ça va peut-être vous paraître ouf, mais à l'époque, il n'y avait rien en France. Il n'y avait rien du tout en France. Il n'y avait pas de version française du site officiel de la WWE, et il n'y avait aucun revendeur de produits dérivés de catch en France. Il n'y avait rien, pas de magazine dans les kiosques, rien, tout ça n'existait pas. Ça a explosé quelques années plus tard, d'un coup, c'est venu d'un coup, et c'était assez ouf pour moi. Mais donc ouais, à l'époque, voilà, les premiers produits dérivés, moi, que j'ai commandés, je les ai commandés comme ça... de l'autre côté de l'Atlantique sur le web quoi. Après quand j'étais gamin aussi dans les années 90, je sais que dans les supermarchés on trouvait des figurines des superstars du catch. Ouais. D'ailleurs, j'ai toujours regretté de pas avoir eu la figurine de l'Undertaker de cette époque-là. Bref. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai acheté quelques trucs, honnêtement des trucs que je regrette aussi. Oui, parce que j'ai acheté notamment une reproduction du chapeau de l'Undertaker, probablement le truc le plus bête que j'ai jamais acheté parce que d'une part, qu'est-ce que tu veux en faire? Voilà. Halloween. Ouais, ouais, mais je suis très loin d'avoir la carrure de l'Undertaker, si tu veux. Donc même avec un manteau, ça marche pas du tout. Pour te protéger du soleil. Pas du tout. Non mais il faut voir la gueule. De toute façon, il est nul en fait, parce que c'est pas du tout le vrai chapeau de l'Undertaker. Mmh. C'est un espèce de pauvre truc. Franchement, je me souviens quand je l'ai reçu, je l'ai ouvert, j'ai ouvert le carton, je dis oh non, c'est ça. Oh non, je suis dégoûté. Ça a coûté 30 balles. Mais en même temps, à quoi je m'attendais? Parce que le vrai chapeau de l'Undertaker ne coûte certainement pas 30 euros. Non, là, c'était vraiment une espèce de reproduction, une espèce de, un peu du genre un carton, du genre de carton, en fait. Ouais. Nul. Franchement, voilà. Ouais, non, vraiment naze. Non, par contre, je vais finir, cette partie-là avec quand même un produit dérivé dont je suis très très fier, qu'à mon avis qu'on ne doit pas être nombreux à posséder en Europe. C'est qu'il faut savoir que dans les années 90, il y a eu des comics de l'Undertaker qui ont été publiés. Okay. C'est pas le seul qui a eu des comics à son effigie, mais voilà, il y avait des comics, il y avait toute une série de comics, je sais plus exactement, il doit y en avoir une douzaine ou une quinzaine de numéros, et ça m'a pris pas mal de temps, parce que bien évidemment tout ça n'a jamais été traduit en français, c'est les origines. Voilà, américain, mais je les ai tous achetés, je les ai tous trouvés. Ça m'a pris, je sais plus, peut-être environ un an, un truc comme ça, pour réunir tous les numéros. J'ai même des versions hyper collector avec des couvertures alternatives qui sont beaucoup plus rares et tout ça, machin. Mais voilà, j'ai tous les comics de l'Undertaker des années 90, et ça, je pense que c'est pas courant, et je pense que c'est le produit dérivé dont je suis vraiment le plus fier. D'accord. Et toi, Laura, est-ce que tu as des produits dérivés, des choses comme ça? Ah oui, depuis quelques années, je fais la collection de t-shirts de catch, de sweats, de gilets et de hoodies. Ah, grâce à Chris, j'ai découvert les box de catch dans lesquelles il y a des produits divers et variés. D'ailleurs, je suis venue avec quelques-uns aujourd'hui, mais comme du coup, vous pouvez pas les voir durant l'émission, je les mettrai sur notre page Facebook, parce que oui, Radio Catch a une page Facebook. Eh oui. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dessus, mais on a une page Facebook. Bah, il y a une page de couverture, il y a notre photo de profil et une photo de nous. C'est déjà pas mal. Donc bah du coup, bah aujourd'hui j'ai ramené un poster de Shawn Michaels, des autographes de Jeff Hardy, de Ken Shamrock, de Booker T, et j'ai ramené un poster de Stone Cold Steve Austin. Et j'ai le t-shirt Attitude Era, je vois ma box le matin, je vois le t-shirt Attitude Era 97-2002. Bah j'ai dit, faut que je le mette, c'est pile poil dans l'émission. Ah oui. C'est un truc de fou. Bah oui. Comme quoi les coïncidences. Hein. Ouais, c'est ça. Après, dans les box, hein, y a des produits, y en a quand même pas mal. Mmh. Alors, t'as des t-shirts, tu peux avoir des écouteurs, etc. Là, la dernière fois, c'est souvent des DVD. À Noël, j'ai une boule de Noël avec Stone Cold Steve Austin qui porte un stunner au Grinch, je crois. Super, c'est pas mal ça. Et j'ai des photos dédicacées, dont une qui a fait plaisir à Chris et une autre aussi, deux du coup. Illustratrice, c'est Marie-Amé, une catcheuse indépendante, actuelle, hein. Elle a quoi, elle a 20, une vingtaine d'années, 25 ans, okay. Voilà, et que j'aime beaucoup, je suis sa carrière sur les réseaux sociaux et puis même ses matchs sur YouTube, elle est pas mal talentueuse, et puis la meilleure pour la fin, Illustratrice, évidemment. Man, quand je lui ai dit, le mois prochain je vais avoir Illustratrice, tu me fais une photocopie, hein, ou tu me la donnes, hein. J'ai pas le choix. Écoute, bah oui, t'as pas le choix, et tu l'as fait, heureusement. Oui, parce que je suis gentil, même si on se chamaille, on se supporte. Avec du mal. Quant à moi, je collectionne divers goodies issus du monde du catch. Également, depuis 2009, j'ai par exemple plusieurs figurines qu'on trouvait chez les marchands de journaux. Voilà, j'ai figurines de Air Truth, John Cena, Shelton Benjamin, j'en ai plein. The Hurricane aussi, comme on parlait tout à l'heure. J'ai plusieurs t-shirts que je trouve dans les box. Bon, moi, c'est box AEW. Voilà, dedans il y a deux t-shirts à chaque fois, j'ai une quarantaine de DVD si c'est pas plus, dont beaucoup de la TNA, j'ai des photos signées, des paires de chaussettes, des posters. Là, aujourd'hui j'ai un t-shirt de catch des Young Bucks, une équipe de frères de la AEW. J'ai également, j'ai aussi un peu comme toi un comics, mais c'est pas un comics, c'est une BD en fait, mais concernant une fédération indépendante. D'accord. Voilà, c'est quelque chose que j'ai vu ça, je me la suis acheté, je l'ai jamais lu encore, mais je vais bientôt la lire. Voilà, j'ai aussi dans les murs de ma chambre recouverts de posters. C'est mon petit univers. Voilà, c'est dans ma bulle, c'est mon monde en fait. Voilà, quand je regarde les shows toutes les semaines, je me mets dans ma bulle. Quand ça, plus personne vient m'embêter. Et puis écoute, voilà, j'ai plein de choses. Et puis je ne compte pas m'arrêter là parce que cette passion va encore durer pendant toute ma vie, j'espère. Jérôme, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à tout ça ? Non, non, non. De toute façon, des produits dérivés, il en existe des tonnes et des tonnes et des tonnes. Maintenant, en plus, ils sont faciles à trouver, faciles à acheter. Moi, à l'époque, je devais parfois aller essayer de trouver sur eBay quelqu'un qui, par miracle, revendait le truc pour pas essayer de commander de l'autre côté de l'Atlantique quand c'était parfois des frais de port aussi exorbitants. Enfin bref, non, maintenant, il y a énormément de choses qui existent. C'est cool. Voilà, c'est une bonne façon aussi de vivre sa passion. Et pour être franc avec vous, moi j'ai pas complètement abandonné l'idée un jour de m'acheter une figurine de l'Undertaker. Il en existe pas mal, il y en a qui sont complètement ratés, que je trouve très moches, mais il y en a que je trouve super sympa, et notamment celle où il a ses costumes des années 90, en plus comme je l'ai découvert, donc voilà, peut-être un jour je finirai par m'acheter ça. Et bah écoute, c'est ce qu'on te souhaite, et j'ai même aussi une tasse Rey Mysterio qui a plus de 10-15 ans maintenant, et elle a pas bougé, l'illustration c'est toujours la même. Ah oui. C'est vraiment, je l'ai, et puis c'est toujours ma tasse fétiche. Je confirme, j'ai une tasse de l'Undertaker, et pareil, ça doit faire bien 15 ans que je l'ai, elle a pas bougé. Non. Ouais. C'est super bien fait, je sais pas comment ils ont fait pour que en fait, c'est une photo dessus, qui est collée, mais c'est... Je pense que c'est collé, mais je sais pas comment, mais du coup, ouais, ça vieillit bien. Mais ça bouge pas, même malgré les années, ça reste la même chose que... Elle est neuve, en fait, hein, encore neuve. Ouais, pareil. Même si elle a été utilisée beaucoup de fois. Mm. J'ai 3 tasses, moi aussi, j'ai oublié de dire ça. Ah bah voilà. J'ai Dean Ambrose, Finn Balor et Bayley, avec son ancien gimmick. Ah oui, son gimmick de canard, là. Voilà, c'est ça. Mais en fait, moi, j'ai pas de photos. C'est vraiment leur image voilà, quoi. Ah ouais, non, mais c'est... Voilà, c'est... Mais elles sont jamais passées dans le lave-vaisselle encore, donc j'ai pas testé la résistance. Ah, bah ma tasse de Rey Mysterio, elle est passée au lave-vaisselle, et puis pareil, pas de souci, ça passe. Nickel. Par contre, Jérôme, je voulais parler des frais de port, rebondir là-dessus, mais depuis le Brexit, c'est une horreur, quoi. J'ai voulu m'acheter un t-shirt de Stone Cold Steve Austin, il coûte 15 euros sur le site, mais avec les frais de port, il m'en revient à 60 balles. Ah ouais, c'est complètement débile. Ça m'étonne pas. Ouais, du coup... Il vaut mieux passer par des revendeurs ou des choses comme ça, ou pas, même par eBay, à la limite, tu payeras probablement moins. Je comprends, ça m'étonne pas. Ouais. Donc du coup, Chris m'a parlé des box et c'est vrai que ça me revient beaucoup moins cher, savoir que j'ai des frais de port dedans, je paye 25 euros et j'ai plein de produits dérivés. Des t-shirts, des DVD, des autocollants, vous savez, les stickers qu'on accroche, genre, je sais pas, une pochette ou un truc de PC, une sacoche, tout ça, comme par exemple la tienne, tu mets un sticker dessus, ça bouge pas, c'est une très bonne invention, une très bonne chose qu'ils ont mis en place, les fédérations, les structures, tout ça. C'est une très belle invention. T'as même eu un truc que tu mets dans la voiture, là, tu sais, comme les sapins après le rétro. Ah oui, dans une Orange Cassidy, je crois. Ouais, c'est ça, Orange Cassidy, un catcheur de AEW qui était en indépendant avant. Tu sais, le sambon que t'accroches au rétro. Oui, oui. Et puis, je l'ai toujours dans ma voiture. Il m'accompagne partout. Bon, il sent plus rien, mais il m'accompagne. Ouais, okay. Voilà. Est-ce qu'on parlerait pas rapidement des shows télévisés qui sont passés par plusieurs chaînes de télé? Oui, parce qu'elles sont passées, je savais pas que c'était passé sur Canal+, donc du coup, je m'endormirais moins bête ce soir. Ah si, je pense que la plupart des gens de ma génération ont découvert le catch comme ça dans les années 90 sur Canal+. Moi, je me souviens, c'était le samedi après-midi, alors c'est peut-être pas le seul créneau qu'il y a eu, mais en tout cas, moi, je m'en souviens très bien, c'était le samedi après-midi que je voyais ça, et en plus, je parlais du match Undertaker contre Undertaker, et même un ladder match entre Diesel et Shawn Michaels à l'époque, que j'ai vu, que je me suis rendu compte des années plus tard qu'en fait c'était des pay-per-view, donc ils rediffusaient même des images de pay-per-view, et voilà, c'était assez fou, c'était pas quelque chose que je regardais régulièrement, donc il pouvait se passer des semaines sans que je suive le truc, mais je me souviens il y avait un commentateur, j'ai pas fait la recherche donc j'ai plus son nom, mais il y avait un commentateur qui avait un accent un peu anglais ou américain, et qui du coup racontait un peu tout, les prises et tout, et puis c'était bien dedans. Mais vraiment Canal+, ouais, pour ma génération, je pense que ça a été la porte d'entrée vers le catch. Après, à un moment, ça s'est arrêté complètement, et moi je redécouvre finalement le catch, je retombe par hasard dessus un jeudi soir sur RTL9. Et là, je tombe sur Raw et je me dis, ça existe encore et tout. Tu sais, vraiment, c'était très très loin de moi. J'avais totalement oublié ça depuis longtemps. On devait être en 2001, 2002 ou 2003 dans ces eaux-là. Et je retombe sur Raw, et en fait, donc effectivement, toutes les semaines, sur RTL 9, tous les jeudis soirs, il y avait une émission de 45 minutes qui était les meilleurs moments de Raw, et c'est tout, hein. Il y avait strictement rien d'autre à l'époque, hein. C'était le seul catch qu'il y avait en France, c'était ça, c'était 45 minutes de Raw le jeudi soir, avec Christophe Agius et Philippe Chéreau, qui étaient déjà là, et honnêtement, je dois beaucoup à Christophe Agius, et à sa connaissance encyclopédique de tout ce qui s'était passé depuis le début de la WWE, de m'avoir donné envie, parce que moi je regardais ça, je connaissais quasiment plus personne, évidemment je regardais en me disant ah, oh, j'espère qu'il y a l'Undertaker et je crois que c'était une période où il était moins présent en plus, donc j'étais vraiment largué, et Christophe Agius expliquait beaucoup de choses, il donnait les noms de tous les prises, et ça m'a remis dedans en fait au fur et à mesure, et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur le web, et que je découvre qu'en fait Raw ne dure pas du tout 45 minutes mais 1h30, et qu'il y a une autre émission qui s'appelle SmackDown, et du coup je commence à télécharger tout ça parce qu'il n'y avait aucun autre moyen à l'époque de voir les pay-per-view, parce qu'il y avait vraiment rien d'autre que le résumé de Raw. Oui. Donc ni SmackDown ni les pay-per-view, on avait, en fait il fallait juste attendre le Raw suivant pour qu'il nous donne les résultats du dernier pay-per-view, mais c'est tout, sinon on ne savait rien de ce qui s'était passé. Donc moi je commence à me tourner vers le web à ce moment là et on va pas se mentir, je télécharge tout ce que je trouve, et surtout je me rends compte que ce qui passe sur RTL9 a 8 semaines de retard par oui. rapport aux États-Unis. Oui. 8 semaines de décalage. En fait, quand je découvrais qui était champion, qui était par exemple le nouveau champion dans Raw sur RTL9, et ben si ça se trouve, il y avait déjà deux autres pay-per-view qui étaient passés depuis et ça avait complètement changé. Donc voilà, ça m'a complètement remis dedans, et j'ai converti quelques amis de mon entourage avec les jeux vidéo, mon cousin notamment, des choses comme ça. Mais voilà, moi ça a été Canal+ et RTL9, et moi j'ai plus jamais regardé à la télé, je sais pas du tout comment dire, je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de choses, enfin le fait d'avoir découvert il y a quelques années que maintenant même les pay-per-view passaient à la télé française, pour moi c'était incroyable comme nouvelle, parce que je me dis enfin on part de tellement loin, moi j'ai connu une époque où il y avait rien, c'était il y a, mon Dieu, quand j'y pense, c'était il y a 20 ans. mais il y avait rien, il y avait 45 minutes de Raw le jeudi soir, et c'est dernière pour finir sur cette anecdote là, je m'en souvenais pas, mais apparemment j'avais dit à tous mes amis que le jeudi soir il fallait pas m'appeler, il fallait pas m'inviter pour sortir, c'était hors de question, c'était parce que c'était le soir du catch, et j'avais complètement oublié ça. C'est une amie qui m'a ressorti ça des années après et qui m'avait dit, tu te souviens pas que tu nous disais toujours que le jeudi soir fallait pas t'appeler et il fallait pas t'inviter à sortir. J'ai dit waouh, j'en étais à ce point là mais c'était avant de découvrir que je pouvais accéder à plein de choses. Bien sûr. Sur internet, et encore une fois très différent d'aujourd'hui, puisqu'il n'y avait rien sur YouTube. En fait, je devais pirater, j'ai dû pirater des tas de pay-per-view actuels et anciens à l'époque, et c'était le seul moyen que j'avais d'avoir les infos et de pouvoir voir toutes ces choses, parce qu'à la télé française, il n'y avait rien d'autre. Heureusement, ça a beaucoup changé. Maintenant, on peut accéder très facilement, notamment avec le network, à tout, quoi. Et c'est vraiment génial comme ça a évolué. Et j'ai peut-être retrouvé les commentateurs dont tu parlais là tout à l'heure. J'en ai deux, j'ai Guy Auray et puis Édouard Carpentier. Édouard Carpentier, ça me québécois, dit je quelque crois. Chose. Hein. Ouais, mais je crois bien que c'était des commentateurs québécois. T'as bien raison. Ah, ouais. Bah, il y a voilà. moyen que ce soit ça. Ouais, c'est ça. Je crois que c'était ça. Mais c'était ouais. Ça, du coup, ça donnait, tu vois, un charme encore particulier au truc. C'était, t'avais vraiment l'impression de regarder un vrai truc d'américain. J'avais 13-14 ans, j'étais fou devant ma télé. C'était trop bien, quoi. Bien sûr. Merci. Oh, je t'en prie. Ensuite. Personnellement, moi j'ai commencé à regarder les shows à l'époque, c'était sur NT1. Ouais, c'était après RTL9. Ça, ouais. Ouais. Pour la petite anecdote, je me souviens que quand je regardais le programme télé et que je voyais qu'il y avait Raw et SmackDown sur NT1 et que j'avais pas encore les chaînes à l'époque, je voulais les regarder, mais vu que j'avais pas la chaîne, bah je me disais quand j'aurai les chaînes, je regarderai ça. Mmh. Et à un moment, j'ai eu les chaînes, j'ai regardé ça. Et aujourd'hui, bah, 14 ans plus tard, je n'ai jamais laissé tomber cette passion qui m'anime chaque semaine, vu que moi je regarde WWE et AEW principalement. Ouais. Certains matchs indie aussi, hein, c'est des structures indépendantes. Bien sûr, les shows indépendants sont de moins bonne qualité que les gros shows des grosses structures. Hein, les catcheuses et les catcheurs sont moins vendeurs, moins sur deux peut-être aussi, bien qu'il y ait du talent. Par exemple, Sami Zayn, hein, que maintenant on connaît, je pense, toutes et tous, catché en indépendant avant sous le nom de El Generico, comme Kevin Owens qui se faisait appeler Kevin Steen. Je ne sais pas trop si on peut dire que dans ces structures, il y a de vraies histoires, de vraies storylines, comme du côté de la WWE ou de AEW, mais tout du moins, il y en a un semblant. Et autre petite anecdote, j'ai commencé à suivre le catch avec mes frères, et un petit peu mon père, mais aujourd'hui, bah, je suis tout seul à suivre, parce qu'ils ont lâché l'affaire. Voilà. Et toi, Laura, tu as... je sais pas si tu nous as dit, tu regardais sur quelle chaîne ? Tu nous l'as pas dit ? Ah, moi, j'ai commencé à regarder sur RTL 9 avec mes frères. Hein. Il y avait des catcheurs qui catchent encore maintenant, mais qui sont devenus des vétérans, hein, comme le Big Show, Kane, Randy Orton. Randy Orton qui est blessé, on sait pas s'il reviendra. Bah, blessé au dos, vu qu'il a eu des gros problèmes de dos, en interne, ils sont très très peu confiants sur le retour de Randy Orton. Ah ouais, à ce point. Ouais, parce que son dos, il est en très très mal en point, il est en mauvais état maintenant. Donc, malheureusement, ils ont peur qu'ils doivent être obligés de prendre sa retraite des rings. Okay. Parce que du coup, à force de faire son RKO, tu sais, il saute et puis il attrape son adversaire par la tête. Du coup, ça lui explose le dos quand il atterrit. Ah d'accord. Et puis bah, depuis, bah, c'était le coup de trop, quoi. Il a plus de dos. Enfin, il a encore un dos, mais voilà. Oui. Bah après, j'ai ensuite regardé sur NT1 avec Rey Mysterio, Jeff Hardy et CM Punk. Pendant une période, j'ai arrêté de regarder, hein, même si j'avais les jeux vidéo, je ne regardais pas forcément les shows. Je suis retombée sur un show par hasard en zappant et depuis j'ai suivi à peu près tout ce qui se passait à la WWE. Alors comme tu disais avant c'était 8 semaines après, maintenant je crois que c'est 2 jours après qu'ils diffusent à la télé et c'est le show complet. Wow. À savoir que c'était 1h30 de show, maintenant c'est 3h, mais pas télévisé pour le coup. Non, ouais, Raw c'est en Angleterre, enfin aux États-Unis plutôt, ça se passe le lundi soir, en France c'est diffusé sur AB1 le mercredi soir, dans une version condensée. Aux États-Unis ça dure 2h30, 3h. Ah ouais, en France c'est on a la version d'une heure, 1h30. Ouais. Et le SmackDown, du coup, aux États-Unis c'est le vendredi soir et en France c'est le samedi soir. C'est le vendredi SmackDown maintenant. Ouais. C'est ça. Et puis en France sur AB1, pareil. Par Christophe Ajus et Philippe Giraud, hein, toujours bien eux, sûr, ouais. Qui sont là depuis 23 ans maintenant. Ah ouais. Voilà, c'est un peu les références en termes de commentateurs français. Mais tu sais qu'un jour, j'ai vu par hasard Christophe Ajus et Philippe Giraud à la table des commentateurs de WrestleMania sur place. J'étais comme un fou. Je me disais, mais quel parcours pour ces mecs. Tu m'étonnes. Qui au début, commentaient juste une émission de seconde zone sur RTL9 en deuxième partie de soirée, un truc qui, à mon avis, faisait des audiences minuscules et qui, franchement, sont quand même largement responsable du retour du catch en France grâce à leur passion et d'avoir vu qu'à une époque ils ont carrément réussi à être sur place à WrestleMania et peut-être d'autres, je sais pas, mais pour moi, enfin, je me suis dit waouh, quel parcours, c'est largement mérité parce que franchement les connaissances de Christophe Ajus à l'époque, parce que à l'époque vraiment Philippe Giraud n'y connaissait rien, je pense que maintenant il peut plus dire ça. Oui. Hein, mais vraiment Philippe Giraud n'y connaissait vraiment rien et Christophe Ajus, lui, c'était un passionné. Il savait tout. C'était trop bien. Et franchement, ils méritent vraiment la place qu'ils ont aujourd'hui au sein de la... dans le business qu'ils peuvent avoir parfois avec la fédération. C'est largement mérité. C'est cool, quoi. Et petite aussi anecdote, j'ai découvert il y a quelques jours que Philippe Giraud et Christophe Ajus ont eu la chance de prêter leur voix pour un film d'animation qui s'intitule Steve Bête de Combat. C'est un film d'animation, c'est un taureau bipède qui fait du catch, voilà. D'accord. Hein. C'est un peu futuriste et ils ont eu la chance d'avoir deux personnages dans ce film et prêter la voix au personnage là. Ok. Et il y a aussi un film de boxe, Creed 3, je crois. Creed 3, mais à propos de... Bah, je sais pas, je crois qu'ils prêtent leur voix dedans, peut-être qu'ils commentent le match, je me suis pas penché sur la question, mais je sais qu'ils ont travaillé dessus et c'est une info assez récente. D'accord. Et ils sont même apparus à l'écran dans un film sorti il y a quelques années, Les Reines du Ring, c'est un film français, et ils jouent le rôle de, ils sont commentateurs et on les voit à l'image, ils sont stylés leur table en deux par une des personnages en mode de tronçonneuse. D'accord. Et puis voilà. Non, mais c'est une sacrée évolution au bout de 23 ans de carrière. Incroyable. Et puis en fait, je pense qu'ils se considèrent comme c'est des véritables amis maintenant, même s'ils s'amusent à se tirer dans les pattes. Oui, mais c'est normal. Voilà, ça fait partie du show. Voilà. Ça fait partie du show. Donc voilà, c'est rigolo. Et puis voilà. En fait, j'ai grandi avec eux, je pense. Hein. Je peux te dire depuis 2009. C'est eux qui m'accompagnent. Un coup, j'étais dégoûté quand ça passait plus en France, ou je pouvais plus accéder en France, je pouvais plus regarder en français. Ouais. Et puis, ça me saoulait, quoi, parce que moi, je voulais retrouver les commentateurs de Christophe Ajus et Philippe Giraud, jusqu'au jour où j'ai trouvé une solution légale pour re-suivre les shows en français avec leurs commentateurs. Puis là, c'est toutes les semaines, je suis avec eux. Du coup, si vous avez plus rien ajouté, on peut peut-être conclure cette émission. On peut bien sûr conclure cette émission, il n'y a pas de souci. Ça va, on est qu'à presque 2h36 sans montage. Du coup, nous allons nous quitter pour mieux nous retrouver le mois prochain. Merci à Jérôme d'avoir participé à cette émission. Merci pour l'invite, c'est trop bien. J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Tu es le bienvenu pour en faire d'autres avec nous si tu le souhaites. Ok. Voilà. raccompagner. Maintenant, Jérôme, ça devient notre troisième co-animateur. Tous les mois, il va être là. Je sais pas, je peux pas vous faire de promesses. Mais en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de me replonger dans tous ces trucs. Parce que, voilà, ça a été une énorme passion pour moi. Et, et là, ces derniers temps, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube. Parce que maintenant que la WWE a sa propre chaîne YouTube, on peut très facilement retrouver toutes ces choses que autrefois, moi, j'étais obligé de pirater. Moi, j'allais sur Emul. Je tapais les noms des matchs. Et en priant pour que quelqu'un l'ait et que je puisse les voir, quoi. Donc, non, ça a beaucoup changé, ça fait plaisir, tant mieux. Qui n'est jamais passé par Emule, hein, j'ai envie de dire. Emule, c'était le site de téléchargement des bombes. Des fois, ça prenait 5 heures pour. Enfin, 5 jours pour télécharger un film. Et puis, suffit que manque de chance, tu tombes sur un mauvais film. Voilà. Mais bon, Emule, c'était une sacrée invention également. Ouais. Et il n'y avait pas la fibre. Non. Et du coup, on se retrouvera le mois prochain où on parlera du Royal Rumble et de Elimination Chamber. Comme d'habitude, vous retrouverez de la bonne humeur, de la bonne musique, des jeux de mots pourris et encore et toujours du catch. Et n'oubliez pas, au catch, ça vole, ça cogne, ça se soulève, mais c'est avant tout un spectacle. Ne reproduisez pas ça chez vous.